Prio. Père, nous sommes encore là ce matin autour de ta parole. Nous te célébrons, nous te disons merci de nous avoir accueillis auprès de toi. Merci de nous avoir invités devant ta parole, Père de gloire, pour nous communiquer tes pensées et tes grâces. Tu as dit, ô Dieu de gloire, que ta parole révélée, Seigneur, est claire. Nous prions, ô Dieu de gloire, que tu nous révèles ta parole encore aujourd'hui. Nous prions pour nos bien-aimés frères, les pasteurs qui sont venus à cette réunion aujourd'hui et pour tous ceux qui, depuis les premiers jours de notre entrée dans cette ville, ont assisté chacun à chacune des réunions qu'on a faites aujourd'hui. Ce n'est pas eux, ô Père, ce n'est pas nous, mais c'est à cause de toi tout simplement. C'est toi qui fais toutes choses bonnes en ton temps et tu le fais pour ta gloire. Nous t'en sommes infiniment reconnaissants. Et je prie particulièrement pour ces frères, Père et gloire, pour ces pasteurs, ces dirigeants, Père, que tu les bénisses et que tu les couvres abondamment. Que tu mettes chacun sur le droit chemin au nom du Seigneur Jésus-Christ. Car tu as dit, ce n'est pas par la force humaine, ce n'est pas par l'intelligence, mais c'est par ton esprit. Puisse ton Saint-Esprit, Père et gloire, prendre ta parole et leur révéler la vérité au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous voulons encore aborder dans cet autre jour glorieux que tu nous as accordé, dans cette autre première session de cette journée, nous voulons aborder, ô Dieu de gloire, ta parole. Nous prions que le Saint-Esprit nous conduise maintenant dans la parole. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Veillons nous saluer encore les uns les autres maintenant dans cette salle. Veillons nous saluer les uns les autres, les unes les autres. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Alors que vous saluez. Alors que vous vous saluez. Voilà. Que Dieu te bénisse. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu te bénisse. Vous avez chanté ce cantique, Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin, ou les ombres du soir, de tout mon être, alors se lève un chant, Dieu Tout-Puissant. Que tu es grand, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Quand par les bois ou la forêt profonde, j'erre et j'entends tous les oiseaux chanter. Je crois qu'il va falloir qu'on apprenne ce cantique ici. Pas vrai? Regarde. Quand par les bois ou la forêt profonde, j'erre et j'entends tous les oiseaux chanter. C'est ça, n'est-ce pas? C'est ça? Amen. Nous sommes prêts aujourd'hui, n'est-ce pas? Donc on va voir ce qu'on va faire, on va faire quelque chose aujourd'hui. On va aller dans l'enseignement pratique. Parce que l'une... Ah, merci Père, merci Père. Ce que nous allons faire aujourd'hui aura deux aspects. L'aspect scripturel, c'est-à-dire qu'on va aller dans l'écriture, expliquer quelque chose, d'accord? Et on va essayer de pratiquer pour que ça puisse rester dans la mémoire. Pour que ça puisse éclairer des choses, d'accord? La première chose à faire, c'est que il n'y a que deux tables possibles. Il n'y a que deux personnes spirituelles possibles qu'on peut servir. Soit Dieu, soit Satan. Alors, chacune là a son hôtel. Chacune des deux entités là a sa table. Si tu ne manges pas à la table de Dieu, ou mieux, si tu n'as pas mangé à la table de Dieu, tu as mangé à la table du diable. Si on a toujours mangé à la table de Dieu, c'est bon. Si on a toujours mangé à la table de Satan, il va falloir qu'on se repente. Parce que chaque fois qu'on avance avec le Seigneur, c'est qu'il faut qu'on se repente avant de continuer. Est-ce qu'on se comprend? Si on a fait une erreur quelque part, il faut qu'on admette cette erreur-là. Avant de continuer. Donc aujourd'hui, bien-aimés, nous allons voir la seule fête chrétienne. La seule fête chrétienne. Les chrétiens n'ont pas deux fêtes. Les chrétiens n'ont pas deux fêtes. La seule fête chrétienne. Wow. La seule fête chrétienne. Il y en a, la Bible, je dis bien, votre Bible ne parle d'une seule fête pour le chrétien. Comment on appelle cela? Comment on appelle la fête? La seule fête chrétienne, c'est quoi? C'est clair que s'il avait fêté, il devait savoir de quoi est question, n'est-ce pas? On est d'accord. Papa, la seule fête chrétienne que tu as célébrée, c'est quoi? Mais il avait même posé la question. J'ai dit, la seule fête chrétienne, c'est quoi? Il dit, c'est la Pâque. Ne dites pas si de la fête. Donc, la seule fête chrétienne, c'est quoi, frère? La Sainte Seine, donc. La Pâque, pas vrai, la fête de la Pâque. C'est la seule fête chrétienne. Donc, toute autre fête en milieu chrétien est étranger à la vie chrétienne. Je prends, par exemple, la plus grande fête, entre guillemets, cette fois-ci, chrétienne. Il dit, entre guillemets, cette fois-ci, que les gens célèbrent, c'est quoi? À haute voix. Même maintenant qu'on a pu le commencer là, vous avez dit à la gorge sèche. Il dit, c'est Noël. Il dit, c'est la plus grande fête. Il dit, cette fois-ci, entre guillemets. C'est la fête, c'est ce qu'on appelle la fête de Noël. On dit que c'est la fête de Noël. C'est-à-dire que quoi? La fête de la naissance du Seigneur Jésus. Question. Qui a ordonné ça? Est-ce que Jésus l'a ordonné? Vous avez vu Jésus quand il avait 24, il a célébré son anniversaire. 26, il a célébré. Ok, quand lui-même il est mort, est-ce que ses apôtres ont célébré son anniversaire? Je doute même fort que Jésus lui-même sait quand il était né. Ou bien que les apôtres se souviennent même quand le jour de sa naissance. Est-ce que vous comprenez? En 300, quelqu'un s'est décidé que désormais, nous allons célébrer la fête du Seigneur, sa naissance. Or, le véritable problème maintenant, c'est ceci. Ce n'est pas que c'est même pas la fête qui dérange, nous, c'est la fête de Jésus qui dérange. C'est qu'en réalité, il y a une personne qui est née le 25 décembre, qu'on appelle le Dieu Soleil, Apollon. Sa naissance, c'est le 25. Donc, comment faire donc pour que les gens adorent le soleil sans s'en rendre compte? On dit, ok, comme Jésus, comme les gens, comme c'est éloigné, là, les gens ne savent pas. Ce sont des prêtres, ce sont des démons qui sont venus dans la chair, qui veulent adorer leur démon, leur grand chef démon. Qu'est-ce qu'ils font? Ils substituent, quelqu'un dit substitue. Le nom Apollon à celui de Jésus. C'est la naissance du Dieu soleil à celui du Fils de Dieu. Parce qu'en réalité, il y a une confusion vraiment dans ces choses spirituelles. C'est qu'en réalité, Jésus-Christ est appelé par exemple l'étoile du matin. Donc, ce n'est pas difficile de changer. Est-ce que vous comprenez? Alors, on a donc changé le nom Jésus, c'est-à-dire que la personne de Jésus-Christ à celui d'Apollon. Parce que si on dit 27 décembre, la fête de la naissance d'Apollon, chacun va fuir. On est d'accord? Que faire? Écoutez, voici le principe spirituel. On met Jésus derrière, devant, on présente Jésus derrière. Tu crois que tu viens de célébrer la naissance de Jésus, alors que c'est celui qui est derrière que tu viens de célébrer. Vous dites, non, je m'en fous, ce qui est derrière, c'est le problème. Moi, je suis dans mon conscience, je viens de célébrer Jésus. Le problème, c'est que comme Jésus n'a pas ordonné ça, il ne peut pas se présenter dans ça. Donc, définitivement, Satan connaît ça. Que si tu sors de la Bible, même si tu mets n'importe quoi, tu mets le nom de Dieu derrière, comme Dieu n'a pas commandé, tu as de célébrer lui, Dieu, le Satan. Vous avez suivi, n'est-ce pas? Voilà. C'est pour ça qu'il est important donc, que nous voyons. C'est parce que la Bible déclare examinez-vous pour savoir si vous êtes dans la foi. Il faut qu'on sache que si on est dans la foi. Et si la Bible déclare que examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi, il avait automatiquement dit examinez-vous vous-même pour savoir si vous marchez d'après la parole. Parce que la parole, la foi vient de ce qu'on entend. Est-ce que ce que tu as entendu vient de la parole? Tout le monde comprend, n'est-ce pas? Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Dans 2 Corinthiens chapitre 13 là, il dit examinez-vous pour savoir si vous êtes dans la foi. Il dit à moins que vous ne soyez réprouvés. Donc, si on ne fait pas un examen clair pour savoir si ce que nous célébrons, pour savoir si ce que nous faisons depuis est de Dieu, il se pourrait qu'à la fin, on soit surpris de dire, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Il dit, mon chéri, tu célébrais ça pour qui? Tu faisais ça pour qui? Je n'étais... Regardez bien, il n'a pas dit que tu n'as pas entendu, il m'a pas dit que je ne vous ai jamais point connu. Donc arrêtez, depuis le premier jour que tu as commencé, ce n'est pas juste ce que tu faisais. Alléluia. C'est pour ça que le premier slogan de Matthieu Luther était Sola Scriptura. Donc seulement l'écrit. Si tu me dis que c'est bleu, je dis ok, le problème c'est pas que ce soit bleu ou quoi que ce soit. Montre-moi dans la Bible. Si c'est pas écrit dans la Bible, on oublie ça. Ok, maintenant voici la chose. Si c'est écrit dans la Bible, alors c'est seulement de cette façon qu'on doit faire. On est d'accord? Dis à ton voisin, sola scriptura. Donc seulement l'écriture. Voilà, c'est ce que ça veut dire. Sola scriptura, ça veut dire seulement l'écriture. Si on veut servir Dieu, Dieu nous a donné un canevas à suivre. Quoi? L'écriture, la Bible. Donc, si n'importe quoi dans ma marche avec Dieu, je regarde, ta parole est une lampe sur mes pieds, j'éclaire ma voix, mon sentier seulement avec la parole. On se comprend, n'est-ce pas? Voilà pourquoi vous allez voir qu'au fur et à mesure qu'on va continuer, vous allez voir que tout ce qu'on faisait en matière religieuse était contre la Bible. Vous serez étonné. La question maintenant, c'est pourquoi depuis longtemps Dieu ne réagissait pas? Dieu fait toujours bon en son temps. Par exemple, quand l'Égypte était déportée à Babylone, ils ont fait 60 ans. Dieu ne faisait rien. Ils étaient dans les travaux. Mais c'est le peuple de Dieu, malgré qu'ils étaient dans Babylone. À la 68e année, Dieu suscite dans le cœur de Daniel de demander pardon à Dieu. 68e année. Parce que Dieu avait prévu 70 ans. Dieu avait prévu 70 ans pour les captivité. À deux ans que ça s'accomplisse, quelqu'un sort Daniel. Il dit, oh Seigneur, honte à nous. Nous n'avons pas écouté la voix. Et tout ce que tu avais prévu pour, comme mot sur nous est arrivé. Mais auprès de toi la miséricorde, auprès de toi ceci, l'ange est venu lui dire, ok. Les 70 ans sont finis. Ils vont partir à l'extérieur. Le message que telle ou autre chose va arriver. Ça dit que quoi? Malgré qu'on soit en captivité, Dieu a un temps qui réagit quand il réagit, quand il veut selon son propre plan. C'est n'est-ce pas? Donc, de la même façon que Israël a péché et a été entré dans Babylone, de la même façon, l'Église a péché et est entrée dans Babylone. Si vous lisez la Bible, vous allez voir dans l'Ancien Testament, on va dire que dans Isaïe et dans Jérémie, il dit que fuyez de Babylone. Dans le Nouveau Testament, on dit que fuyez de Babylone. Dans l'Ancien Testament, on parle aux Juifs qui fuient de Babylone. Dans le Nouveau Testament, on parle aux chrétiens de fuir Babylone. Donc l'entité spirituelle qui était physiquement dans Babylone physique, à Nebuchadnezzar, est maintenant dans l'Église. Est-ce que vous comprenez? Alors l'Église du Seigneur Jésus, le peuple de Dieu se trouve infusté dans Babylone. Et si on observe bien la marche des Juifs, nous allons voir très bien que c'est la même désobéissance que les Juifs ont eu avant qu'ils soient allés en captivité, que les chrétiens ont eu. Ils sont allés aussi en captivité. Dieu va envoyer les prophètes. Que si vous observez mes sabbats, si vous ne faites pas votre propre chose, vous ne faites pas les choses selon votre cœur, si vous ne faites pas ça, je vais vous garder dans cette vie-ci. Mais si vous désobéissez à ma parole, vous irez en captivité en Babylone. Même chose à l'Église. Même chose à l'Église. Jésus a transmis sa parole. Il a dit qu'on n'ajoute rien, on ne retranche rien. Si tu retranches, tu es hors de lui. Vous comprenez? L'Église a failli comme ça là. On est entré dans Babylone. Babylone la grande. Dans Apocalypse chapitre 17. Maintenant, à la fin du temps, comme il a, à la fin de la captivité, il a suscité les Daniel. Maintenant, à la fin de la captivité, Babylone va tomber cette fois-ci. Babylone va tomber, vraiment. Il suscite des gens pour dire, sortez de Babylone. L'heure de Dieu est arrivée pour qu'il va sortir les gens de la captivité. Or, le problème maintenant, c'est que les gens peuvent sortir de Babylone, aller reproduire la même Babylone. Il y a une œuvre de sortie, il y a une œuvre de nettoyage. Qu'est-ce qui nous a fait entrer dans Babylone? On avait laissé la part. Parole. Alors, si tu sors de Babylone, il faut laisser tout ce que tu as appris à Babylone rentrer maintenant dans la parole pour ne plus faire la même erreur, pour ne plus sortir. Quelqu'un dit sola scriptura. Voilà. Donc, seulement les écrits, les écritures. Je vous laisse mettre cette mise en garde avant qu'on ne voie la fête qui nous concerne. Dieu a prescrit à l'Église une seule fête. C'est la seule fête que l'Église doit connaître, que l'Église doit pratiquer. Même si tu as le désir de vouloir fêter comme les autres. Sola scriptura. Même si ta chair veut faire sortir comme les autres, dis à ton voisin, sola scriptura. C'est pour ça que David a dit dans le psaume 119 que je trouve des bornes à ta parole. Quand il veut faire n'importe comment, il y a les bornes. Donc il y a les limites qui ne franchit pas. Sola scriptura, d'accord? Donc cette fête-là, c'est ce qu'on appelle la Sainte Cène ou bien le repas du Seigneur. C'est ça qu'on va observer maintenant. Après avoir observé dans la Bible, c'est que c'est. Je vais vous mettre une vidéo ici. J'ai dit que tout le cas était au lit, j'étais en train de réfléchir que comment j'aurais dû amener cette vidéo pour que les frères voient pratiquement comment ça se passe. Vous voyez là, n'est-ce pas? J'étais en train de réfléchir, je ne savais pas que le frère aussi avait ça dans sa Bible. Et lui-même ne savait même pas que c'était dans sa Bible. Pendant qu'il était en train de réfléchir comme ça là, il s'est réveillé, il a dit, hey, voici même la vidéo de la Sainte Cène. J'ai dit, waouh, tu as apporté, il dit que je ne sais pas comment ça fait pour arriver ici. Donc on va mettre ici, on va voir comment ça s'est pratiqué, comment on a fait là-bas. Et je vais, c'est ça qui est réservé le pain là. Je vais montrer un exemple comment ça doit se faire. Pratiquer. Et à chaque fois, quelqu'un dit sola scriptura. On va regarder dans la Bible, on va voir comment on va pratiquer pour qu'on reste dans la Bible. Beaucoup de pasteurs vont dans l'école de formation. Ils font exactement ce qu'on a vu parce qu'ils ont vu à Babylone faire. Ils commencent à faire alors que chaque pasteur devrait regarder plutôt dans la parole de Dieu. C'est pas vrai. Parce que c'est un conducteur. Il va conduire les gens d'après la parole de Dieu. Alors, les pasteurs devaient regarder plutôt ce que la Bible dit avant de faire. Qu'est-ce que les pasteurs font aujourd'hui? Ils regardent parce que leur règlement intérieur dit que c'est comme ça. C'est pas ça. Est-ce que le règlement intérieur des chrétiens, ce n'est pas la Bible? Donc, on va regarder dans notre règlement intérieur et on va voir exactement ce qu'il faut faire. D'accord, frère? Maintenant, depuis que nous sommes entrés dans votre merveilleuse ville, nous avons vu que... C'est pas vrai. Ça, c'est... Le revers est arrivé chez les poules de Tomorrow aujourd'hui. Donc les poules ont reçu le baptême de Saint-Esprit de parler en langue. Vous voyez ça? Non, non, ne regarde ça, ça c'est la superstition. Non, là, tu vois que ce soir c'est un chat. Un chat qui est passé, ils ont, même ne le savent pas. Ah. Donc ils ont dit d'annoncer comme ouais, ça. Hein. Ok. Tu es sûr que ce n'est pas le réveil qui est arrivé chez eux maintenant? Bon, là, le réveil. Le réveil allait chez le coq. Donc après cela, après l'explication de cette scène-ci, les femmes vont rester, ils vont travailler avec les femmes, d'accord? Il dit après qu'elle a fini avec la scène-ci, les hommes vont sortir, ils vont travailler avec vous. Comme ça, vous allez mettre les vidéos, on pourra aborder certaines questions profondes, plus profondément, d'accord, mes soeurs? Donc, je dis donc que depuis notre entrée dans cette ville-ci, on fait comment? Donc, on fait comment, donc? Je continue? Je vais continuer ce que je suis en train de continuer. Donc, lorsque nous sommes entrés ici, depuis, nous avons dit quoi? Qu'il y a l'Ancien Testament, il y a le Nouveau Testament. Et le Nouveau Testament, c'est la réalité de ce qui était dans l'Ancien Testament. Avançons doucement. Avançons doucement, on peut y aller. Je vais expliquer, je vais vous donner des passages et expliquer ce qui est écrit. Et lorsqu'il faudra lire pour observer, vous pouvez observer. Dans l'Ancien Testament, le peuple de Dieu se trouvait en esclavage en Égypte. Nous nous trouvons donc maintenant dans Exode, dans le livre d'Exode. Suivez attentivement, s'il vous plaît. Dans l'Ancien Testament, le peuple de Dieu, les Juifs, étaient en captivité, en esclavage, en Égypte. Ils ne peuvent pas se libérer. Il faut qu'il y ait un libérateur qui va venir. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Dieu suscite donc quelqu'un du milieu d'eux qu'on appelle qui? Moïse. C'est pas grave. Dieu suscite quelqu'un qu'on appelle qui? Moïse. Qui va venir les faire sortir. Il les fait sortir de l'Égypte. Écoutez bien. Chaque fois, parce que nous sommes dans l'Ancien Testament ici, on va aller dans le Nouveau Testament pour voir les mêmes choses. Il va les faire sortir de l'Égypte. Mais avant de les faire sortir, cette sortie-là est appelée délivrance. Il faut les délivrer. Il faut les délivrer de l'emprise de l'esclavage. Dans le Nouveau Testament, le peuple de Dieu est dans le péché. On est esclave du péché. On ne peut pas s'en sortir. Dieu suscite quelqu'un appelé qui? Jésus. Dieu suscite quelqu'un appelé qui? Jésus. Pour venir nous délivrer du péché. Donc, ce qui s'est passé ici, c'est exactement l'image de ce qui s'est passé ici. Maintenant, pour que Moïse délivre, suivez bien le mot, délivre les Juifs de l'esclavage égyptien, il faut le sang. Il faut le sang. Le sang. La Bible est claire dans Hébreux chapitre 9, le verset 27, que sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Et comme il est résolu aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc, sans que le sang ne soit versé, il ne peut pas qu'il y ait si le sang n'est pas versé, le pardon ne peut pas venir. N'est-ce pas? Ok. Il y a une œuvre qui se passe donc dans la nuit où les Juifs donc doivent sortir. Dieu demande que les Juifs qu'on mette les linteaux le sang sur les linteaux des portes. Et quand l'ange devait passer au-dessus des portes, en voyant le sang, gardez bien ceci. Quand l'ange devait passer dans toutes les villes, comme on est, voici la ville, nous sommes mélangés comme ça. Il y avait parmi eux les Égyptiens, parmi eux les Juifs. Pour qu'ils ne frappent pas une maison, il fallait qu'il y ait le sang dessus. Donc la seule façon pour que quelqu'un soit protégé, c'est qu'il soit dans une maison ou dehors, on a mis le sang. Pour montrer que la seule façon de se protéger contre la destruction, c'est pas sous le sang de Jésus. Vous avez compris? J'ai dit ceci. En Égypte, on avait mis le sang sur les lintes de porte pour que si l'ange destructeur avait frappé une maison, il guette comme ça. C'est le sang qui l'empêche d'entrer. Ça veut dire que la seule protection des humains maintenant, même si tu as n'importe quel marabout, il ne peut pas te rendre le service. Même si tu as n'importe quel... La seule façon, c'est quoi? Derrière le sang du Seigneur Jésus. On se comprend? Ok. Maintenant, cette nuit donc là, quand il a fait ça, on a mis le sang, tous les jours, on a mis le sang sur les lintes des portes pour que si le destructeur passe, il ne touche pas les Juifs. Alors les Juifs avaient la révélation du sang. La révélation, comment faire pour être protégé. Et ceux qui n'avaient pas cette révélation, il y avait les cris dans leur maison. Alors le fait que l'ange devait passer par-dessus pour frapper les Égyptiens, on appelle ça en hébreu Pessah. Pessah. C'est-à-dire passer par-dessus. En anglais, on dit pass over. Est-ce que vous comprenez? Et donc, le mot hébreu, donc, passe over, c'est ça qui a donné ce qu'on appelle Pâque. Donc, la Pâque, par définition, c'est passer par-dessus. Pour que l'ange passe par-dessus, parce qu'il a vu la protection, il passe par-dessus pour frapper les autres. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez, mon cher? Ça se trouve donc dans Exode chapitre 12. Et dans Exode chapitre 12, donc, Dieu a donné, donc, qu'on prenne ça comme une commémoration en Israël, en Israël. Dieu a donc institué ça comme étant sa fête. Pour qu'on puisse commémorer donc en souvenir de ce qu'il avait fait pour les protéger. Nous allons aller doucement pour qu'on touche la Sainte Seine. Parce que pour qu'on puisse y arriver, il faut qu'on commence par le départ. Merci frère, merci, merci. Ah, les serviteurs de Dieu qui viennent donc. Bonne arrivée, mes chers frères. Bonne arrivée. Donc vous êtes venus, alors on n'a même pas encore, on n'a pas avancé. Donc ne dites pas qu'on vous a laissé derrière. Monsieur encore, tu es venu dans l'Ancien Testament, tu es venu s'asseoir dans l'Ancien Testament, vous êtes séparés. Ici, tu es assis dans le Nouveau Testament. Donc ici, voici l'Ancien Testament, voici le Nouveau Testament. Nouveau Testament. Donc je suis encore allé, on a de vouloir voir la Sainte Seine. Donc dans le Nouveau Testament. Avant que vous ne veniez, j'étais en train de dire qu'il n'y a qu'une seule fête. Bonjour mon cher frère. J'étais en train de dire qu'il n'y a qu'une seule fête chrétienne que la Bible reconnaît. Donc la fête de, vous appelez, la fête de Noël n'est pas chrétienne. La fête de Noël n'est pas chrétienne. Il faut résister à la pression. Il faut résister à la pression d'acheter les jouets. Il faut résister à la pression. Donc la fête de, la seule fête chrétienne, donc on a vu que c'est quoi? La fête de la Pâque, la Sainte Seine. Donc nous voulons voir exactement de quoi il est question. Dans la Bible, et puis on va faire une expérience pratique, et je vais vous mettre le CD pour que vous voyez à la vidéo comment ça se pratique, d'accord? Bon, il dit donc que dans l'Ancien Testament, les Juifs étaient en captivité, étaient en esclavage. Dieu a suscité quelqu'un appelé Moïse pour aller les délivrer. Dans le Nouveau Testament, les gens sont dans l'esclavage du péché. Dieu a suscité Jésus pour aller délivrer les gens du péché. Et les Juifs et les gens qui sont dans le monde, leur esclavage, ils ne peuvent pas se sauver eux-mêmes. Les Juifs ne pouvaient pas par eux-mêmes tenter de sortir de là. Et alors, dans le monde aussi, même si tu voudras quitter le péché, tu n'as pas le pouvoir. Parce que le péché se trouve à l'intérieur de nous. On se comprend, n'est-ce pas? Donc, comme Moïse a été choisi par Dieu, il a donné un signe pour les Juifs, le signe de la protection. C'était le sang sur les lintures des portes. C'est ça, non? De la même façon, ici, là, ça c'est le sang du Seigneur Jésus. Et donc, quand les Juifs ont été protégés donc, de cette destruction, c'est ce qu'on appelait Pâques, donc la Pessa. Quand le sang est mis, il dit Pâques veut dire Pessa. C'est-à-dire que quand on avait placé les sangs sur les lintures de porte, l'ange qui devait frapper devait passer par-dessus de leur maison. D'accord? S'il y a une maison ici, la deuxième maison est là, et que la maison juive a le sang, l'ange passe par-dessus, il frappe les Égyptiens qui n'ont pas le sang. D'accord? Alors c'est d'où vient l'origine du mot Pâques, c'est-à-dire Pessa, passer par-dessus. D'accord, mes frères? Voilà. Et donc, Dieu a donc donné cet acte-là comme commémoration. C'est Dieu qui a institué. On est d'accord? Dans le Nouveau Testament, quelque chose va se passer. La nuit également de la délivrance. Que Dieu devait délivrer son peuple de son péché, de l'esclavage du péché. La nuit également qu'il devait faire. La nuit qu'il devait faire ces choses-là. Il y a eu un acte de sang qui a été appliqué aussi. D'accord? Dans le Nouveau Testament, maintenant, chaque fois qu'elle vient par ici, c'est le Nouveau Testament, si elle vient par là-bas, c'est l'Ancien Testament, pour que vous compreniez. Dans la nuit également, où il fut livré, on va voir cela dans la Bible tout à l'heure, il y a eu aussi un acte. Il a dit là-bas, dans la nuit là, il y a eu un acte de sang. De cette nuit-ci, il y a eu un acte de sang. Là-bas, quand il y a un acte de sang, Dieu a érigé ça en fait. Dieu a érigé ça en fait en signe de commémoration. Cette nuit-ci également, en vue de délivrer le peuple, Dieu a érigé aussi ça en fait. Et c'est la seule fête du Nouveau Testament. Vous savez, n'est-ce pas? Donc Dieu a érigé ici en fait. Dieu a érigé ça en fait. C'est pour ça que Jésus va dire ici, faites ceci en mémoire de moi. Ici, Dieu va dire à Moïse que ceci vous servira à partir du moment si vous allez le faire ça maintenant de génération en génération. Donc la Pâque-ci était une image de cette Pâque-ci. On se comprend? Voilà. Donc continuons. Maintenant, Exode chapitre 12. Dans Exode chapitre 12, ça se tourne. Notez donc maintenant. Exode chapitre 12. Parce que c'est tout ce qu'on va faire va tourner autour de ceci. Je vais vous donner le passage, je vais les noter. Après, on va y arriver en pratique. Exode chapitre 12, vous avez noté. Comme c'est long, au fur et à mesure, on va y arriver. Je vais vous donner le verset, on va les fouiller dedans. Exode chapitre 12. Notez également Luc chapitre 22. Donc, je vais donner quelques passages concernant toutes ces choses. Ne dérange pas cet enfant, ne le dérange pas, laissez-le tranquille. Vous savez, le ministère, c'est le ministère des dérangements. Chacun fait son ministère là maintenant. Exode chapitre 12. Luc chapitre 22, vous y êtes? Matthieu chapitre 26. Matthieu chapitre 26. Marc chapitre 14. Non. Marc chapitre 14. Jean chapitre 13. Jean le chapitre 13. 1 Corinthiens 11. À 1 Corinthiens 11, notez du verset 23 au verset 33. Voilà. Alors, je pourrais ajouter d'autres versets donc au fur et à mesure. Alors, mais quand c'est Dieu qui ordonne quelque chose, ça se passe donc un point important. Quand c'est Dieu qui ordonne quelque chose, c'est lui qui a décidé, sans notre avis, de nous imposer cette chose, pas vrai? Alors, c'est à lui, s'il y a n'importe quoi qui tourne autour, les informations doivent venir de lui. Donc, si Dieu a dit, faites une maison comme ça, c'est lui qui va donner les choses par rapport à ces maisons. Comme par exemple pour Moïse, il a demandé de bâtir telle chose, faire d'après le modèle. Et chaque fois, il est venu plusieurs fois à Moïse, faire d'après le modèle qui était montré. C'est pour dire que ne fais pas ce que tu penses. N'essaie pas de faire comme tu veux. C'est comme je t'ai dit. S'il a dit le bleu à tel endroit, ça va être le bleu à tel endroit. S'il a dit que telle longueur, ça va être cette longueur-là. Pourquoi? Parce que Dieu est précis. C'est un Dieu de précision. C'est un Dieu parfait. Et il veut que les choses soient faites de façon parfaite. On est d'accord? Donc, quand Dieu a donné cette institution, c'est dans le livre de Luc, Exode chapitre 12, il a donné tout ce qui était nécessaire. C'est-à-dire que tous les points qui devaient être célébrés. On est d'accord, n'est-ce pas? Alors, tous ces points-là, les Juifs l'ont examiné et pratiqué de cette même façon-là, comme Dieu a dit. De la même façon, dans le Nouveau Testament, quand le Seigneur Jésus-Christ devrait instituer cette fête-là, il a dit exactement ce qu'il fallait faire et comment ça devait se faire. Et c'est exactement ce que les disciples, les premiers disciples ont fait. On se comprend? Maintenant, ce qui est arrivé chez les Juifs, c'est la même chose qui est arrivé chez les chrétiens. À un moment donné, les Juifs ont abandonné le commandement de l'Éternel. Chacun va commencer à faire ce qu'il veut. Dans le Nouveau Testament, après que les disciples ont examiné, fait et pratiqué comme Jésus avait demandé, maintenant, n'importe quelle dénomination qui est venue a commencé à célébrer sa part, la chose de telle enseigne que on a commencé à faire chacun comme il voulait. Pourtant, on ne doit pas faire comme on veut, on doit faire comme la parole veut. Et c'est cette dérive-là qui a amené. Voilà pourquoi il faut encore qu'on réenseigne là-dessus afin que les gens ne soient pas sans ignorance, dans l'ignorance. Amen. Souvenez-vous de ces principes-ci. Donc, souvenons-nous de ces principes-ci, sola scriptura, sola scriptura. On va répondre à la question, c'est quoi la Pâque? Voici ce qui va nous intéresser, parce que pour les Juifs, c'est établi que c'était la fête et c'était permanent chez les Juifs. C'est quoi la Pâque? Comment on doit le faire? Quels sont les éléments? Qui doit participer? À quel moment ça doit se passer? Avec quel élément on doit le faire? Toutes ces questions-là, on doit répondre là-dedans. Et cela, ça sera sola scriptura. Donc, commençons par la première question. C'est quoi donc la Pâque? La Pâque donc est une fête en commémoration de notre mort, du souvenir de la mort de notre Seigneur et sauvé pour nos péchés. On est d'accord? Voilà. Je vais rectifier une chose qui est dans la pensée. Et ce n'est pas seulement dans la pensée, c'est parce que c'est dans la pensée romaine, c'est Babylone qui a injecté cela. En avril, souvent, il y a le congé de Pâque qu'on dit là, ce n'est pas le Pâque de la Bible. C'est exactement ce qu'il veut dire. Je vous ai dit que en avril, il y a le congé des Pâques. C'est pas ça. Comment je dis des, vous ne pouvez pas répondre. En avril, il y a le congé des. Vous ne connaissez pas ça ou bien c'est comment? C'est des Pâques, c'est pour ça que je cherche un calendrier. Vous avez le calendrier où on a mis les noms sur ça, non? Est-ce qu'il y a le nom sur ça? Il y a le calendrier où on met les noms, Saint-François, Saint-Cécile. Vous avez un calendrier comme ça ici? Vous n'avez pas? Hein? Personne n'a le calendrier comme ça pour que vous voyez comment le monde est dans la dérive. Donc si vous prenez le calendrier où on met chaque jour le nom à côté. Vous avez remarqué qu'en avril, on va écrire congé des Pâques. Vous remarquez que c'est des Pâques, pas de la Pâque. C'est ce qui veut expliquer que ce n'est pas ce que la Bible dit. Il faut que vous soyez vigilant à tous les niveaux. Donc on dit congé des Pâques parce que Pâques n'est jamais écrit dans la Bible au pluriel. C'est la Pâque dont on parle là, c'est la Pâque des catholiques qui vient de Satan. C'est grave. Or, comment faire? Il faut mettre la chose proche, que ce soit toujours proche avec le vrai pour qu'il y ait la confusion. Vous saisissez, n'est-ce pas? Je dis, lorsque si vous avez, allez chez vous, si vous avez les calendriers qui ont les jours là-haut, les calendriers qui ont le nom, on dit premier jour de l'an, on peut mettre Saint-Barthélemy, Saint-Ceci. Allez dans la partie d'avril et vérifier au niveau de congé. Vous allez voir comment on a écrit. On a écrit Pâques avec c'est au pluriel. Vous lisez la Bible des Exodes où il y a la Pâque jusqu'à le Nouveau Testament. Vous ne verrez Pâques nulle part avec S. Donc les parcs dont tu as entendu parler, j'ai pas le temps d'entrer dans ça, dans la genèse de ça, dans le culte païen. Voilà, c'est pour ça qu'on va parler des œufs des Pâques, des lapins de la Pâques. Alors que les lapins même des Pâques. Alors qu'il n'y a rien comme ça, des choses comme ça dans la Bible. Donc c'est les pratiques païennes qu'on a voulu intégrer. Ça se trouve, c'est dans les catholiques que ça se trouve. Mais le problème maintenant, c'est que c'est proche. On a rapproché les dates de telle enseigne qu'on puisse croire. Peut-être que quand tu ne lis pas la Bible, tu vas croire que vous allez célébrer les mêmes choses. Est-ce que vous comprenez? Donc le congé là, ce n'est pas le congé pour la Pâque de la Bible. C'est le congé des Pâques des païens. C'est grave. D'accord? C'est ce qu'il voulait corriger. Maintenant, quand on va arriver, je vais vous montrer par rapport à quelle date on le fait. Et c'est dans la Bible que ça se trouve. D'accord, mes frères? Donc maintenant, alors prenons la célébration. On a dit que la Sainte Seine. Alors, si vous prenez même le mot Sainte Seine, Sainte Seine n'est pas dans la Bible. Le mot Sainte Seine n'est pas dans la Bible. Ce sont dans les titres des Bibles. On est d'accord? Il recommence ici. Je vais vous donner Luc chapitre 22, Marc chapitre 14, Matthieu chapitre 26, Jean chapitre 13. Si vous lisez tous ces passages, vous ne verrez nulle part Sainte Seine. C'est les êtres humains qui ont pris la Bible. Par exemple, ouvrez votre Bible là dans le livre des... Dans le livre de Matthieu, chapitre 26. Je veux que vous lisez les titres, que vous me voyez. Donc, vous qui avez les titres là. Le livre de Matthieu, chapitre 26, par exemple. Tu as le titre là, mon cher. Il y a le titre au-dessus de ton... Qu'est-ce qu'on appelle? Histoire de la passion. Complot contre Jésus. Continue en haut. Il y a des titres là. Continue le titre. Oui, continue. De tous les titres, là, lis. Oui, continue. La célébration de la Pâque. Voilà, lis. Oui. Institution. Ah, autre, voilà, lis, frère, lis. C'est écrit quoi, là? Célébration de la Pâque. Oui. Et institution de la Sainte Seine. Voilà. Donc, je veux justement que vous voyez que quand on dit Sainte Seine, ce n'est pas dans la Bible. Ce sont les êtres humains qui ont décidé d'appeler ça comme ça. D'accord? Donc, ce n'est pas dans la Bible. Donc, ce n'est pas un mot biblique. Mais je veux seulement que vous compreniez l'explication. Quand quelqu'un a des plans, ça même peut écrire Sainte-Sainte. Qu'est-ce qu'il pense? Il dit Sainte-Sainte. Donc la scène là est tellement sainte. Dans le repas. Parce qu'on a dit que Sainte, ça veut dire le mot Sainte que vous voyez là, ça vient du latin cena. Cena. Ça veut dire le souper. Donc cena veut dire souper. Donc le repas du soir. On est d'accord, n'est-ce pas? Quand il dit Sainte-Sainte, il veut dire que le repas du soir là est tellement saint. C'est pour ça qu'on dit l'attitude qu'il faut avoir. Il faut s'approcher là-bas doucement comme ça. Là. Il faut faire comme ça. D'accord? Alors, c'est à partir de cette définition dont là, que je vais expliquer quelque chose. Remarquez que le titre, c'est célébration de la Pâque et institution de la Sainte Seine. Donc, Jésus-Christ a d'abord célébré la Pâque et courant de la célébration, il a institué une chose qu'on devait commémorer. Donc, c'est de la même soirée. C'est la soirée du 14 Nissan. On va y arriver. Oubliez la date d'abord, mais j'y vais quand même revenir. C'est la soirée, la Pâque que le Seigneur Jésus-Christ devait célébrer avec ses disciples. C'est la Pâque dont Moïse parlait. Dans Exode chapitre 12. C'est compris? J'ai dit dans le Nouveau Testament, là, l'introduction du Nouveau Testament, dans le Nouveau Testament, là, Matthieu et Marc, là, ce que Jésus-Christ voulait faire cette nuit-là, c'est ce que Moïse avait ordonné que les Juifs devaient faire et on faisait chaque jour. Vous comprenez, n'est-ce pas? Et c'est au courant de cette célébration de ce que Moïse avait dit, l'ombre et la réalité étaient croisées là-bas. C'est au courant de cette célébration, Jésus étant juif, était en train de célébrer ce que Moïse avait dit qu'on devait faire. D'accord? Et au courant de cette célébration, il a institué ce que les chrétiens doivent faire. C'est le point de rencontre là. On se comprend? Désormais donc, les chrétiens devraient célébrer ce que le Seigneur Jésus-Christ a institué. Parce qu'il ne pouvait pas venir annoncer ce que Moïse devait faire. Parce qu'il est venu accomplir ce qui était écrit ici là. Parce qu'il était l'agneau de la Pâque. Jésus était l'agneau de la Pâque. Donc, Jésus, l'agneau de la Pâque, on ne peut pas être là, il est venu, il a accompli la Pâque dont il est question. On continue à célébrer cette autre Pâque-ci. Donc, on continue ce qu'il lui a institué ici pour que l'Église prenne effet à partir de là. D'accord, mes frères? Ok. Donc, la définition de la Sainte Seine, ça veut dire que c'est le Saint repas du soir. Alors, amen, à partir de la Sainte Seine, la définition elle-même, on commence à voir qu'il y a déjà problème dans l'Église. On est d'accord, n'est-ce pas? Premier problème, c'est un repas, pas les bouts de pain. Voilà le premier problème. Premier problème, souvenez-vous du mot sola scripture, scriptura. Maintenant, vous avez ouvert Matthieu chapitre 26 pour voir au-dessus de ce qu'il est écrit, n'est-ce pas? Donc, gardez le doigt dessus, c'est ça qu'on va lire tout à l'heure. Je dis, on écrit là-bas, sainte, saint. Donc, saint repas, un truc qui est commémoré, qui est mis à part pour être célébré. Saint-Saint. Un repas qu'on doit célébrer avec une certaine façon. Mais le problème, c'est qu'on a dit Saint-Saint, donc le repas. Et le problème maintenant, c'est que dans l'église aujourd'hui, on ne voit pas de repas. Donc c'est un problème. Ça veut dire qu'on a enlevé un élément dans cette célébration. On est d'accord? Ça veut dire qu'on a enlevé un élément déjà dans cette célébration. Dans la célébration instituée par notre Seigneur, souvent nous, on a dit que tous les éléments qui sont tournés autour, c'est lui qui donne les informations. Donc sur la scripture. Alors, ça veut dire que dans la commémoration, on commémore un repas. Et aujourd'hui, ce qu'on faisait aujourd'hui, on a enlevé le repas. Vous me saisissez, n'est-ce pas? Donc, dans ce qu'on appelle église aujourd'hui, comme je disais l'autre jour, on met les tables, on met les coupes, on met le pain. Si vous restez de côté, vous regardez la table, qu'est-ce que vous allez voir sur la table? Je recommence encore, peut-être je vais vite, je ne sais pas si vous me saisissez. Vous me regardez comme ça, comme vous avez sommeil encore. Je dis ceci. Ce que Dieu dit dans la Bible, Saint-Saint, c'est un repas qu'on doit célébrer. On va voir. Je crois qu'il faut qu'on lise avant que je revienne sur la question. Ouvrons c'est Matthieu chapitre 26. Parce qu'elle parle ou quoi que c'est la théorie. Matthieu chapitre 26. Donc à partir de là, vous avez vu la. Vous avez vu cette scène là. Vous y êtes. Mon frère, tu peux lire. Tu peux. Qui va lire? Oui, vas-y. Non, attends. Ou bien lis, frère. C'est à partir de quelle heure? 17. Oui. Le premier jour des pains sans levain. Oui. Les disciples s'adressèrent à Jésus. 17. Pour lui dire. Oui. Où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque? Stoppons là-bas. Vous avez suivi la question que les disciples ont posée à Jésus, non? Où veux-tu que nous te préparions quoi? Le repas. Non, pas la Pâque seulement, le repas. Alors maintenant, c'est quoi donc le repas? Il n'y a pas besoin d'entrer dans des grandes discussions pour savoir ce que c'est que le repas. Le repas, c'est quoi? La nourriture. Frère, s'il vous plaît, participez. Ou bien vous voulez que j'arrête. Le repas, c'est là, non? Là. Donc ça veut dire qu'il partait comme ça préparer la nourriture qu'il devait manger pour la Pâque. C'est pour ça qu'on a appelé ça Sainte Seine. On est d'accord? C'est pour ça que donc, je reviens donc, au niveau de la question que j'ai posée. Dans ce qu'on appelle église aujourd'hui, on voit les tables et on voit les coupes. On va revenir sur le cas des coupes. On voit les pains à côté, les miens met des pains à côté, les gobelets sont déposés. Pas vrai? Quand quelqu'un se trouve dans la salle, quand il regarde la table, qu'est-ce que cette personne voit? Oui. Qu'est-ce qui manque? Le repas. Parce qu'il n'y a pas le repas là-bas. Or, eux-mêmes, ils écrivent dans la Bible, et le pasteur porte le gandoura ces jours-là. Il dit qu'ils sont là pour célébrer quoi? Le repas. Mais tu regardes à la table, il n'y a pas le repas. Donc, il y a un problème. Et ce n'est pas le pain ou bien les coupes qu'on doit célébrer. C'est plutôt le repas. C'est ça le problème. Le vrai problème, c'est que l'élément principal pour lequel on vient ne se trouve pas là-bas. Vous me suivez, frère? Oui. Bon, j'ai dit, peut-être qu'il dit lorsqu'il y a bien le pain là. Oui. C'est ça qu'il appelle déjà le repas. Tu dis qui? Jésus ou bien. Non, c'est bon, c'est qui? C'est ce qu'il pense. En fait, ce que je sais, c'est que si tu n'es pas appelé des dieux, tu ne peux pas faire les choses des dieux. Il y aura toujours des pièges pour te détourner. Parce que tu ne dois pas venir, parce que Satan ne marche pas dans la vérité. Or, la parole, c'est la vérité. C'est que Dieu ne te révélera pas cela. Dieu dit clairement qu'il révèle les choses au simple. C'est pour ça qu'ils vont faire autre chose, croyant que c'est Dieu qui s'en est célébré. Le simple bon, ça va à l'introduction. Il dit que le premier jour de pain sans levain, les disciples demandaient au Seigneur, où veux-tu que nous allons te préparer la Pâque? Le repas de la Pâque. Le repas de la Pâque. Avançons dans ce verset. Il répondit, allez à la ville chez un tel. Oui. Et vous lui direz, le maître dit, oui. Mon temps est proche. Oui. Je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. Oui. Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné. Oui. Et ils préparèrent la Pâque. Oui. Le soir étant venu. Stoppons d'abord là-bas. Soulignez le soir étant venu. Vous avez souligné le mot là, c'est ces mots-là. Le soir étant venu. Je vais parler de cela. Rentrez un peu plus haut dans la phrase. Quand Jésus va les commissionner, il dit allez chez un tel, soulignez chez un tel. Ça son importance. Vous allez voir maintenant que chaque mot de la Bible a sa place. En fait, je vous ai donné plusieurs passages. J'ai donné Matthieu 26, Luc 22, Marc 14. Dans un autre, vous allez voir, il va dire que suivez cet homme qui porte la cruche et il vous montrera. Vous entrez dans la maison avec lui, vous allez voir, demander le maître de la maison où est-ce que mon disciple et moi, il va vous montrer une chambre haute, d'accord? Tout meublé, préparé. Alors, pourquoi il demandait de souligner ces deux-là? Analysons encore ces deux-là, observons. La Pâque, la célébration de ces soirées-là doit être la nourriture qu'on doit manger, pas vrai? Un. Deux. Ça doit être chez quelqu'un. On est d'accord? C'est pour ça qu'il a demandé qu'on se lève. Le frère là, il rit déjà. À l'état, il l'entend chez quelqu'un, il comprend clairement que l'animation dans ses autres, c'est mis hors jeu. Alléluia. Hein? C'est chez. C'est pour ça qu'il est devenu chez un tel. C'est la Bible. Quelqu'un dit sola scriptura. Et maintenant, ça c'est dans le Nouveau Testament. Si vous allez dans l'Ancien Testament, dans l'Exode qui vous est donné là, lisez à partir du verset 35 en montant, vous allez voir, il dit clairement que la Pâque ne doit se célébrer que dans les maisons. Donc ce n'est pas nouveau. C'est terrible. Alors on peut aisément, même si on s'arrête ici, on peut aisément dire que si quelqu'un va dans les dimensions, il prend n'importe quoi. D'abord, le fait qu'il n'y ait pas d'abord la nourriture montre que ce n'est pas pour le Seigneur. Donc forcément, c'est la table de... Donc vous êtes là comme ça, vous avez mangé, vous allez vomir ça. Il vous faut la délivrance. Donc il dit, allez chez un tel. Ça veut dire que c'est chez quelqu'un. Il n'est pas allé dans l'église de Simon, jamais. Il n'est pas allé dans les synagogues des affranchis. Jésus-Christ étant là-bas, il y avait le temple. Notre fameux temple, dit mon frère. Il y avait les synagogues. Il a dit, allez chez. Il a dit, allez chez. À moi, ce que je ne comprends pas, chez un tel, ça veut dire que c'est dans sa maison. C'est pas ça. Dans son domicile. Donc c'est dans son domicile que ça va se passer. La deuxième chose, on dit, le deuxième mot que vous demandez, le mot que vous demandez de souligner, il y a le soir étant venu. Donc ils sont allés en journée, ou n'importe quel moment de la journée, ils ont préparé, attendu jusqu'à ce que à quel moment arrive. Pour que ça soit le souper. Donc, ce verset montre clairement que ça ne doit se célébrer que le soir. Notez ça. Alors, ça nous montre clairement les problèmes qu'il y a dans l'église aujourd'hui. On est d'accord? Alors, c'est pour ça que hier, je disais donc que quelqu'un sort le matin très tôt chez lui, il s'arrange le jour, il porte le blanc, il court dans sa dénomination en laissant le chez lui. En laissant le chez lui pour aller à la synagogue. Pour aller dans sa synagogue. Peut-être qu'il travaille pour les affranchis. Il dit, c'est pas ici là. Chez les Sadducéens. Il part chez les synagogues des pharisiens. Il entre là-bas pour célébrer ce qu'il appelle la Sainte-Seine. Et si c'était la Sainte-Seine, comment il va faire ça le matin? On dit le soir étant venu. Donc, la Sainte, on commence à mettre les jalons. La Sainte, c'est un repas. On est d'accord? Deux, c'est chez quelqu'un. Trois, c'est le soir. Chaque point qu'on va voir, vous allez voir que c'est contraire à tout ce qu'on fait. J'espère qu'on a des résumés, n'est-ce pas? Un, c'est la nourriture. Deux, c'est chez elle. Trois, c'est le soir. On est d'accord, non? On avance. Continue dans la lecture, mon cher. Oui. C'est chez quelqu'un, oui. Ça se comprend. Oui. C'est un repas, oui. Ça se comprend clairement. Oui. Mais pourquoi le soir? Pourquoi le soir? On va y arriver, c'est là où on va arriver. Allons-y. Non, je crois que monsieur, attends d'abord, on résout cette question avant d'avancer. Je réponds à sa question rapidement. Le pourquoi c'est le soir? Et uniquement le soir, et ça ne peut pas être autrement que le soir. Il faut que ça soit statué. Pour savoir ce qui est là-bas dans l'ombre, dans la réalité, regarde dans l'ombre. La Bible déclare que la Pâque, le sang était présenté et la frappe de l'ange là devait passer. Ça va se passer dans la nuit. C'est pas dans la journée. On se comprend? Et je te dis quoi? Dieu a dit là-bas que cette nuit-là même, je ne permettrai pas aux destructeurs de vous frapper. Après, il va dire commémorer ça. Et elle a donné que c'est le 14 entre les deux soirs, que vous devez commémorer cette fête. Ça se comprend. Donc, Dieu a institué ça le soir. Jésus-Christ a pratiqué ça le soir. Donc, voilà pourquoi c'est le soir. On est d'accord? Voilà, c'est répondu. Maintenant, avançons ici. Comment? Tu avais une question? Ok. Lire. Verset 18 maintenant, et quoi? Ou c'est 19? Verset 20, oui. Le soir étant venu, oui. Il s'est mis à table avec les 12. Oui. Pendant qu'il mangeait. Stoppons là-bas. Ils étaient à table. Ils étaient en train de faire un mouvement. Pendant qu'il. Quand on dit pendant en français, ça veut dire que l'action se déroule quand quelque chose au même moment. On est d'accord? Donc il s'assoit à table. On dit pendant qu'ils mangeaient, c'est pour ça que je reviens encore sur ce que papa a dit là maintenant. Papa a dit que peut-être quand eux regardent dans la, sur la table, ils considèrent que le pain c'est déjà la nourriture. Tu vois très bien que ça n'aura pas de sens ici. Parce qu'on dit qu'ils sont à table. On dit pendant qu'ils mangent, ils étaient assis, ils mangeaient quoi? De la nourriture. Voilà le votre sensei. Vous avez compris, n'est-ce pas? C'est pendant qu'ils mangeaient, continue maintenant. Il dit, oui. Je vous le dis en vérité, oui. L'un de vous me livrera. Oui. Ils furent profondément attristés et chacun se mit à lui dire, oui. Est-ce moi Seigneur? Oui. Il répondit, c'est lui qui a mis avec moi la main dans le plat. Donc, vous n'allez pas me dire que juste en train de discuter comme, le pain comme ça avec Jésus. C'est pas le pain qu'ils ont discuté, pas vrai? Il a dit dans le plat. Donc, avançons. C'est celui qui me livrera. Mm-hmm. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui. Mm-hmm. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne soit pas né. Judas, qui le livrait, prit la parole et dit, « Est-ce moi, Rabbi ?» Jésus lui répondit, « Tu l'as dit. » Pendant qu'il mangeait... Stop, encore la même chose. Pendant qu'il mangeait, le Saint-Esprit a mis une pause pour montrer une action qui s'est déroulée durant ce moment. Donc pendant que tout ce qu'il a de lui dire, Jésus a lui causé, comme ça, il s'en est fait comme ça. Avant qu'il ne le dise pas, l'un de vous me livrera. Quelqu'un dit, c'est qui Seigneur? Celui en qui j'ai. Mettez la main dans le plat. Quand il dans le plat. On dit pendant, c'est pas moi qui dis, c'est la Bible qui dit que pendant qu'il mangeait, ces choses sont en train de manger. Donc quand ils ont fini, pendant qu'il a fini de parler, il a dit à Judas que tu l'as dit, il continue à manger. On dit encore que pendant qu'il mangeait, continue. Souvenez-vous, on a dit sola scripture. Allons-y. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Stoppons. Alors, pendant qu'il a mangé, Jésus a envoyé la main, il a pris du. Donc ça veut dire que ce n'est pas le pain qui mange. On est d'accord? On est d'accord, non? Voilà. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Allons-y. Et après avoir rendu grâce, oui. Il le rompit. Stoppons donc là-bas. Donc alors, le pain qui était sur la table n'était pas encore rompu. On est d'accord? Je recommence encore l'exemple qui est pris pour les illuminations. Quand vous trouvez, vous tenez sur la table, vous voyez le corbeil de pain. Il y a combien de pain dedans? Alors, on dit Jésus-Christ prit du pain. Après, on dit qu'il n'a rompu qu'après avoir rendu. J'espère que ce n'est pas moi qui lis la Bible. Le pain doit être brisé uniquement après le moment qu'on est rendu grâce. Mais oh, vous vous tournez à la table, vous voyez les miettes de pain qu'on a déjà rompu. Quelqu'un dit sur la scripture. Donc le pain qu'on doit. J'ai dit que sous réserve, on est en train d'avancer pour. Je prends chaque fois dans la dimension et dans la Bible pour voir vraiment que vous voyez que les dimensions sont éloignées totalement de la Bible qui dit se prêcher. Ils sont en train de manger. Parce que tout à l'heure, vous allez mettre la vidéo, vous allez voir effectivement les gens, pendant qu'on est en train de manger, qu'on rompt le pain. Ça doit se pratiquer ainsi. Il dit, pendant qu'ils sont en train de manger, Jésus prit quoi? On n'a pas dit un morceau de pain. On dit, il prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit. Donc, il rompt le pain après avoir rendu grâce. Mais ce que nous voyons dans les dénominations, c'est que on voit les petits pains là-bas. Donc, le pain a été déjà brisé avant qu'on ne commence même les histoires. Et par la suite, même, il n'y a même pas d'abord la nourriture qu'on mange pour commencer. Vous me suivez? C'est grave dans les dénominations. Tout ceci, c'est pour avancer, pour que vous compreniez le pourquoi Dieu a demandé de sortir de là. Parce que si vous sortez de là... Il ne sortait pas de là. Il a dit que c'est avec elle que les rois de la terre sont prostitués. Et c'est du vin de son impudicité, donc la fornication, la prostitution, que les habitants ont été abreuvés. Autrement dit, vous allez manger dans la terre de Babylone. Donc de Satan sans en rendre compte. Mais alors, ça m'étonne, et peut-être ça va vous étonner aussi. Comment donc dans la Bible c'est écrit comme ça? Et ces hommes-là ont la Bible comme ça. Et ils décident de faire autre chose. Ça ne vous étonne pas aussi? C'est écrit dans la Bible? Que c'est pendant qu'on mangeait. Quelqu'un voit pendant qu'on mangeait. Oh, ce jour-là, quand il va porter le corbeau, il va mettre le micro, il va dire que pendant qu'il mangeait, j'ai pris du pain, après avoir rendu grâce, il va porter plus de corbeau, manger comme ça. Et il ne rompt rien. Il ne mange rien. Il est en train de lire. Et Jésus avait dit donc avec raison que c'est avec raison que Isaïe a prophétisé sur vous en disant que ce peuple mon nom de lèvres, mais le commandement qu'ils observent sont les préceptes d'hommes, les traditions d'hommes. N'est-ce pas mes frères? Ok. Allons-y mon cher. Remarquez même qu'on a dit qu'il prit du pain et il le rompit. Il n'a pas rompu un pain, prenez l'autre encore rompre. Ça veut dire qu'il y avait combien de pain? Il a rompu combien de pain? Un pain, c'est pas vrai? Ok, avançons. Ok. Et après avoir rendu grâce, il le rompit oui. et le donna aux disciples oui. en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Oui. Et il prit ensuite une coupe. Oui. Et après avoir rendu grâce, il la leur donna oui. en disant, oui. buvez-en tous, oui. car ceci est mon sang. Alors, retournons ici. Jésus a pris quoi après le pain? Comment? Une coupe. Est-ce qu'on a dit une coupe? C'est ce qu'on a dit. Après, il prit ensuite une coupe. Une coupe, oui. Et après? Et après avoir rendu grâce, oui. il la leur donna oui. en disant, buvez-en tous. Voilà. Alors maintenant, je voulais qu'on regarde encore si c'est une coupe. Non, on va regarder ça. Parce que j'ai donné quatre passages. J'ai donné Luc parce qu'on va lire maintenant. Parce que quand vous lisez ici, vous avez comme impression qu'après qu'il a donné le pain directement, il a donné la coupe. D'accord? C'est ce qu'on va voir. C'est pour ça qu'il veut donner les passages directement. Donc on va lire doucement. Parce qu'il faut qu'on sache effectivement l'ordre des passages. D'accord, mes frères? Donc voici donc la première question, c'est ceci. Combien de coupes Jésus-Christ leur a donné? Une. Ça suppose donc que les membres de l'assemblée ont bu dans quoi? Dans une coupe. Alors, dans notre dénomination aujourd'hui, on voit combien? Donc, ça veut dire que ce sont des gens qui savent plusieurs dieux. Ils sont allés commémorer plusieurs dieux là-bas. Pas un seul dieu. D'accord? Alors, on passe ça dans la salle comme ça. Tu prends un peu de pain, tu manges, tu prends le truc, tu bois. C'est pas ça? Est-ce que c'est pas ça? Pour les catholiques encore, c'est encore très grave. Éliminons le catholique, d'accord? Parce que ce n'est pas chrétien, d'abord pour commencer. Pour eux, c'est grave. Mais maintenant, permettez-moi de vous expliquer quelque chose sur les catholiques. Parce que pour eux, c'est écrit là-bas à l'intérieur. Je dis, permettez-moi, maintenant, vous pouvez me donner un instant d'expliquer quelque chose pour les catholiques. Quelqu'un ici a-t-il été catholique un jour? Si vous avez été catholique maintenant, ce qu'il veut expliquer, vous allez voir maintenant et voir ça dans la Bible. D'accord? Ok. Ouvrons Apocalypse chapitre 17. Et puis, je vais vous montrer quelque chose. Apocalypse, le dernier livre. Donc, en fait, ceux qui ont été catholiques vont comprendre ce que ça nous dit. Si vous n'avez pas été catholique, ça va vous déranger, mais il faut que j'explique ici avant de revenir, parce que nous parlons du même événement. Donc, dans Apocalypse chapitre 17, on va lire les versets 1 à 5. Tu veux lire, papa? Lisons. Puis un des sept anges qui tenait les sept coupes vint. Et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à la débauche. Et c'est du vin de sa débauche que les habitants de la terre se sont enivrés. Il me transporta en esprit dans un désert. Et j'ai vu une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant sept têtes et 10 cornes. Oui. Cette femme était vêtue de pourpre oui. et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Oui. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Arrêtons-nous là-bas, merci. On va revenir sur le commentaire. D'abord, la première chose, si vous avez là lu la Bible, et puis si vous connaissez les prophéties bibliques, vous savez très bien qu'on en a parlé d'une église ici. Dans les prophéties bibliques, les femmes sont symbolisées par l'église. Vous savez ça au moins, n'est-ce pas? Vous savez que lorsqu'on parle de la femme, en prophétie, on parle de l'église. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme l'église est soumise à Christ, d'accord? Donc quand on parle par prophétie, l'église représente une femme. Donc on dit que, il m'a transporté en esprit, j'ai vu dans un désert une femme qui était vêtue de pourpre. Dans cette église-là, on porte les pourpres là-bas. Il s'agit de qui? On peut la voir qui? La Bible dit que cette femme-là était vêtue de pourpre. Quelle est l'église dont les membres portent les pourpres? Les prêtres. Jusque-là, ce n'est pas encore suffisant pour dire que c'est l'église catholique. Ce n'est pas encore suffisant. On dit que elle était assise sur les grandes eaux. Vous comprenez ce que la Bible dit? Ça veut dire qu'elle avait la domination sur tous les peuples. Ce n'est pas moi qui dis, c'est la Bible qui donne l'interprétation. Lisez le verset 15. Lisez le verset 15, observez. Le verset 15, quoi que... Le verset 15 donne l'interprétation. Quand on dit qu'elle est assise, elle est assise sur les grandes eaux. Oui. Et il me dit, les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont les peuples, oui, des foules, des nations et des langues. Vous avez entendu? Donc c'est une église qui domine partout. Citez-moi une église qui domine partout en dehors de l'église catholique. N'est-ce pas elle? Voilà. Donc on peut l'identifier facilement. Il y a beaucoup de choses qui sont dites d'elle. Chaque fois que vous allez voir un élément, c'est toujours l'église catholique. On dit qu'elle était remplie d'or et de prières précieuses. C'est la seule église dans le monde entier. En fait, même eux-mêmes disent que les richesses de ce monde se trouvent plutôt chez eux. L'autre cas là-bas, si vous lisez, prenez le temps de lire. L'autre cas là-bas, on dit que j'ai vu cette femme, parce qu'elle était ivre de sang des saints. On dit que cette femme-là a tué. La seule église qui a tué les saints, c'est l'église catholique. Donc tous les chefs d'accusation, c'est contre lui. Contre elle là-bas. Vous comprenez? Mais je vais vous amener par rapport à la scène. Ce qui nous intéresse, c'est que elle tenait dans sa main, avec l'habillement de pourpre, une coupe d'or. C'est eux qui s'élèvent ça comme ça. C'est la seule église qui fait comme ça. Une coupe en quoi? En or. Et maintenant, le Saint-Esprit nous indique clairement le Dieu que l'Église catholique sert au travers de la coupe. Il tenant dans ses mains une coupe d'or remplie de vin de sa prostitution. On dit prostitution. On appelait une femme prostituée parce qu'elle devrait être mariée à Christ. Elle allait se prostituer. Une femme impudique avec d'autres dieux. Et le Saint-Esprit nous indique que son Dieu, c'est le Dieu avec qui elle allait commettre la fornication, l'adultère, se trouve dans la coupe qu'elle a entre les mains. Alors, vous qui avez été dans l'Église catholique, vous allez voir les prêtres effectivement s'habiller comme ça. Vous vous alignez. Elle a une coupe d'or. À l'intérieur se trouvent des rondelles. Les rondelles. C'est quelque chose rond qu'on a à l'intérieur. Alors, tournez-vous à droite, à gauche, derrière. Vous allez voir les images des choses qu'on appelle saintes. Vous allez voir au-dessus de la tête des ronds. Le Dieu soleil. Apollon. Donc, dans la coupe, tu viens communier avec le Dieu soleil. Sur la table du Seigneur, tu manges le pain, tu pasquilles. Parce que la Bible déclare clairement dans 1 Corinthiens 10 que l'autel n'est pas quelque chose, mais c'est l'esprit qui est derrière l'autel. Si vous comprenez. Donc l'Église catholique, quand tu viens, on plonge, on met. Pour eux, c'est encore gras parce qu'il n'y a même pas d'abord les tables. Il n'y a pas d'abord le pain pour commencer. On ne rompt rien. Ils soulèvent un grand hostie comme ça, l'air comme ça. Vous voyez que c'est exactement rond comme le soleil. Il y a des petits soleils à l'intérieur comme ça là. Tu viens, tu te baisses, ouvre ta bouche, il met ta part. Or Jésus dit que il prit une coupe, il donnait et chacun a bu. L'Église catholique s'assoit comme ça, personne ne boit rien. C'est lui qui a la coupe. Tu viens, il fait comme ça, papa. Oh, mon père. Tu rentres comme ça, ce que tu dis que j'ai baptisé communier confirmé. Confirmé pour l'enfer, tu parles. Donc je voulais glisser sur l'Église catholique, c'est pour ça que je n'ai même pas souhaité parler là-bas parce que pour elle, ça frappe à l'air que c'est faux. C'est pour ces filles, les dénominations là, qui est un peu compliqué. C'est pas moi qui dis, c'est la Bible qui appelle qu'elle, ce sont ces filles. Tu as lu ça dans ta Bible, frère? On dit que c'est l'Église catholique. Appelle vraie église. CMCA, Pentecôte, n'importe quel nom. La Bible là que vous avez amené appelle que ce sont les filles de l'Église catholique. C'est Dieu qui a dit ça. C'est terrible. Donc, ces filles ont pris les différentes traces de leur mère, ressemblaient un peu à leur mère. Alors, pas étonnant que vous allez. Les pasteurs disent que nous sommes des catholiques, une église catholique. Vous savez ce qui se passe? Les prêtres catholiques portent les touches. Eux aussi portent les touches. C'est que c'est la ressemblance, c'est qu'il y a des enfants qui ressemblent un peu à leur mère, un peu à leur père. La touche sort, tu regardes, ok, tu es contre l'église catholique, ils portent la touche, tu portes la touche. Va dans la Bible, les disciples qui portent la touche. C'est parce que tu as vu ça chez ta mère. Alléluia. On dit donc que c'est du vin de son impureté que tout le peuple, c'est ce qu'on a vu là-bas, se sont enivrés. Donc en fait, ça veut dire que les faux enseignements qu'on voit dans le monde là-bas, la racine, c'est de l'Église catholique. Le baptême au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, c'est dans l'Église catholique que ça a commencé. Quand l'Église catholique est venue sur place, que ça a commencé comme ça. Est-ce que vous saisissez? C'est grave. Donc, l'institution qui va produire l'Antichrist, c'est l'Église catholique. C'est la Bible qui le dit. L'Antichrist va sortir de là. Donc l'ennemi du chrétien numéro 1, c'est le pape. Le chrétien numéro 1, qui doit être craint ici dehors, c'est le pape. Vous savez ça, frère? J'espère que vous savez ça. Donc même si vous voyez à la télévision, il est tellement séduisant. Fuyez loin de cela. Et qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de confédérer maintenant avec les dénominations. Venez autour d'une table pour qu'on fasse l'économie. Il part avec les juifs. Il part avec les chamans, il part avec les Dalai Lama, il part avec les musulmans, ils s'asseyent ensemble comme ça là. Remarquez très bien qu'il faut une réunion, ils s'asseyent, son trône est toujours au-dessus de tous les trônes. Vous avez remarqué? Il a son propre drapeau, le Vatican, a son, c'est un pays. Dans un pays. Il est un chef d'État. Quand il arrive quelque part, on met son drapeau, on chante son hymne national. Ça, c'est Jésus, ça. Il a son armée. Quand il vient, il regarde ce qui service, c'est qui court derrière la voiture. On le salue, on salue son drapeau. Il a ses représentants, les ambassades dans chaque pays. La Bible déclare que c'est avec elle que les rois de la terre se sont prostitués. C'est vrai? On a lu ça là-bas maintenant. Il s'agit d'elle. C'est pour ça qu'on appelle la grande prostituée, la grande Babylone. C'est elle. Alors, tous les faux enseignements viennent d'elle. Et alors, toutes les dénominations vont retourner à elle parce que c'est la mère. Ils ont des problèmes. Ils vont se réconcilier. Il dit, c'est la mère là. Vous savez, une fille a le problème avec sa mère. La fille se fâche, elle part. On est d'accord? La Bible déclare qu'ils vont se réconcilier. Quand Martin était sorti, les protestants se sont séparés, non? Les protestants ne sont pas rentrés dans l'église catholique aujourd'hui. N'est-ce pas? Les protestants sont rentrés dans l'église catholique. Donc ils vont rentrer. La Bible dit qu'ils vont rentrer. Ils vont s'assembler pour donner son pouvoir à la bête. Donc l'ennemi des chrétiens numéro 1, c'est l'église catholique. Et vous le voulez ou pas, vous l'admettez ou pas, la Bible dit qu'elle va encore persécuter les chrétiens. Ok, donc avançons dans ce que nous sommes en train de voir ici. Alors, si on examine donc par la Bible de façon minutieuse comme ça, là, on ne va pas voir le mal qu'il y a à cela. Or, si donc Jésus a donné quelque chose qui est stable et que chacun commence à faire sa part, où est-ce qu'on va être sûr donc qu'on est en train de servir Dieu? La seule façon pour qu'on puisse servir Dieu, c'est que nous tenons tous un même langage, selon 1 Corinthiens chapitre 1, verset 10. Je ne veux pas qu'il y ait des divisions parmi vous, mais que tous vous tenez un même langage. C'est pour ça que comme les disciples célébraient de la même façon. Et ce qui est là, c'est que nous allons voir encore une bonne révélation. De la même façon comme Jésus avait dit à ses disciples de baptiser au nom du Père et du Saint-Esprit. Les disciples qui ont écouté son baptisé au nom du Seigneur Jésus, nous allons voir que l'apôtre Paul n'était pas là à baptiser au nom du Seigneur Jésus. De la même façon, pour la Sainte-Seine, nous voyons très bien que la nuit-ci, que nous lisons ici, l'apôtre Paul n'était pas là. Nous allons voir effectivement, dans 1 Corinthiens 11 que je vous ai donné là, que l'apôtre Paul va enseigner la même chose comme s'il était présent aux disciples. C'est terrible. Il dit, car j'ai appris du Seigneur ce que je vous ai appris. C'est que la nuit où il fut livré, il n'a pas dit j'ai appris des apôtres. Il n'a pas dit que j'ai appris du collège des apôtres à Jérusalem. Il dit j'ai appris du Seigneur ce que je vous ai appris. C'est que la nuit où il fut livré, il prit du pain et après avoir soupé. C'est terrible. Donc Jésus, après la mort, la résurrection, allait au ciel. Quand il a touché Paul, il lui a montré la scène exacte qui s'est passée dans la chambre haute. Vous entendez? Et l'apôtre Paul enseigne ça dans toutes les églises, de la même façon. Donc, il y a l'élément nourriture, l'élément pain qui doit être rompu après avoir rendu grâce. Mais c'est pas ça, ça n'aime pas ça. Donc, désormais, ce sera comme ça là-bas. J'ai déjà dit plusieurs fois, fermez le lien pour que ça ne se passe pas comme ça. Donc, il y a l'élément nourriture, il y a l'élément pain, il y a l'élément coupe qui doit être distribué. Et la chose que nous enseignons, c'est que tous les frères doivent participer à la même coupe. On est d'accord? Tous les frères qui sont là-bas doivent participer à la même coupe. Toute personne doit participer au même pain. C'est pour ça qu'on va passer à la pratique. On va faire la pratique pour que vous voyez comment ça se passe, comme nous sommes ici. D'accord? C'est seulement la pratique. Ce n'est pas que nous voulons faire la scène. Ce n'est pas ça. C'est seulement qu'on voit comment ça se passe. D'accord? Et que Dieu nous en préserve, que ce soit effectivement ça, parce qu'il n'y a pas de nourriture ici. Mais comme on a compris qu'il y a la nourriture, il faut qu'il y ait la nourriture quand on va faire le vrai. D'accord, frère? Maintenant, allons dans le livre de Luc. Luc chapitre 22 identifie effectivement l'endroit où il va encore envoyer ses disciples d'aller pour la préparation de la Pâque là. Luc chapitre 22. Donc ceux qui ont la Bible de ces frères-ci, page 1054. Souvenez-vous, je vous ai donné les passages. Je vous ai donné Matthieu 22, Matthieu 26. Je vous ai donné Luc 22, Marc 14 et Jean 13. Donc on va aller progressivement pour voir tous les éléments qui sont là-bas. Alors une autre chose que je vais vous dire pendant que vous allez ouvrir ça, c'est que vous remarquez quelque chose. Si vous lisez Matthieu, l'histoire de cette Pâque-ci, vous lisez Luc, l'histoire de cette même Pâque, vous lisez Marc, l'histoire de cette Pâque, vous vous arrêtez là-bas, vous aurez un problème. Parce qu'il y a un événement dans ces trois livres qui sont que l'événement-là se trouve uniquement dans le livre des Jean. Et cet événement, c'est le lavage des pieds. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça qu'il faut prendre la Bible dans sa totalité avant de voir tout un événement. Est-ce que vous comprenez? Et maintenant, si vous prenez Matthieu chapitre 26, comme on a lu là, vous allez voir quand on va lire Luc, il y a des éléments qui vont s'ajouter. Est-ce que vous comprenez? C'est à la fin que, si par exemple, nous sommes dans cette salle-ci, après il prend ses frères-ci, il prend celui-ci, il prend celui-ci, il les met dehors, je dis, raconte-moi comment était la journée pendant les 2 heures que vous avez passé là-bas. Le frère va raconter des choses que celui-ci pourra raconter. Il y aura les aspects qu'il va dire, il va pouvoir raconter son histoire, comment ça s'est passé. Après, il va dire qu'il y avait l'ordinateur dans la salle. Alors que celui-ci va raconter sans mentionner ça. Alors que papa a aussi raconté les mêmes choses avec l'ordinateur en disant qu'il y avait les vers sur la table. Ça ne veut pas dire que celui-ci n'avait pas vu, mais c'est tout simplement qu'il n'a pas raconté cela. On se comprend. C'est pour ça que vous allez voir Matthieu. Matthieu raconte quelque chose, il ne dit rien. Marc veut raconter quelque chose, il apprend quelque chose. Pourtant, le même Saint-Esprit a donné pourquoi? Pour montrer quoi? C'est que nous tous, ça doit se compléter. Vous lisez Matthieu 26, vous lisez Marc 14, vous lisez Luc 22. Il n'y a nulle part de trace de lavage des pieds. On ne parle même pas de l'histoire que Pierre a dit que non, s'il ne lave pas mes pieds, vous voyez l'histoire. C'est uniquement Matthieu, Jean chapitre 13 qui rapporte ça. Donc c'est pour ça qu'on va lire les événements dans tous les quatre passages pour voir les choses au complet. D'accord? Donc, Luc chapitre 22. Vous y êtes? Donc, commencez exactement à l'endroit de la préparation de la Pâque. Vous avez trouvé? Tu as trouvé? C'est toujours toi qui lis. À partir de quel verset? 7. Verset 7. Le jour de pain sans levain, où l'on devait immoler la Pâque, oui, arriva. Oui. Et Jésus envoya Pierre et Jean en disant... Stoppons là-bas. Vous remarquez très bien qu'avec cette phrase-ci, quelque chose vient d'être ajouté par rapport à l'autre version, à l'autre passage. Là-bas, on avait dit qu'il envoya sa disciple. On dit que ses disciples lui dit. Ici, on précise quels disciples sont partis. Vous voyez l'espoir, quelque chose de nouveau à ajouter. Mais c'est le même événement qu'on doit raconter. Quand Matthieu lui raconte, il ne dit pas la personne qui lui donne, s'il était question. Mais quand celui-ci veut raconter, il dit que c'était Pierre et Jean. Vous avez vu, c'est quelque chose de vous expliquer, n'est-ce pas? Voilà. Et maintenant, gardez ceci à l'esprit. Il a dit le jour des pains sans levain. Le pain doit être sans. Le pain doit être sans. Le pain doit être sans. Donne-moi le pain là, s'il te plaît. Donne-moi les deux. C'est pour ça qu'il a réservé ça. On n'a pas pu manger tout le matin-ci à cause de ça. Ok. Ce pain-ci a du levain. Vous savez ce qu'on appelle le levain, n'est-ce pas? C'est qu'on met dans la pâte pour que ça gonfle. On dit ce jour-là, le pain doit être quoi? Sans levain. Non, le pain ne doit pas être levé. D'accord? Ok, donc on va mettre ce pain-ci ici. On va prendre ça comme exemple et on va voir ce qu'il en est. Ok, avançons frère. Le jus du pain sans levain. J'étais au verset 7 là. Verset 8 déjà. Oui. Allez-nous préparer la Pâque. Oui. Afin que nous la mangions. Oui. Il lui dit, où veux-tu que nous la préparions? Oui. Il leur répondit, voici, quand vous serez entré dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Oui. Suivez-le dans la maison où il entrera. Stoppons, soulignez la maison dans laquelle il entrera. Vous voyez comment les éléments nouveaux commencent à être, n'est-ce pas? Or, dans Matthieu 26, on avait dit que c'est chez un tel. Il dit que... On n'a pas entendu dire que c'est chez le monsieur qui porte l'eau. C'est qu'il part puiser l'eau au puits. C'est un serviteur d'un homme qui a une maison. On l'a envoyé au puits aller chercher l'eau. Il est en train d'aller comme ça là. Jésus leur donne une indication que quand vous allez arriver, quand vous allez voir quelqu'un qui porte l'eau, sachez qu'il va vous conduire vers la maison. Il est en train d'aller, il rentre vers son maître avec son eau, les pieds sont derrière pour suivre. Quand il entre avec son eau, il verse l'eau. On dit où est le maître de cette maison? On dit, il va se diriger vers le maître de la mer, maison. Donc vous êtes sur les maisons, n'est-ce pas? Avançons. On va toujours revenir, frère, donc sois vigilant maintenant. Oui, c'est quel verset encore déjà? Tu parles. Et celui qui a la Bible entre les mains, il demande c'est quel verset. Allons-y au verset 11. 11 déjà. Oui. Ok. Et vous direz au maître de la maison. Oui. Le maître te dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Oui. Et il vous montrera une grande chambre haute. Oui. Meublée. Oui. C'est là que vous préparez la Pâque. Oui. Ils partirent. Donc vous voyez très bien que, s'il te plaît, vous voyez très bien que ici ça montre clairement qu'il n'y a pas d'ambiguïté, c'est une maison où on habite. Donc, c'est chambre haute meuble veut dire clairement que c'est une maison où on habite. Parce que quelqu'un peut dire que non, même les dénominations, ce n'est pas une construction, ce n'est pas une maison. On a parlé de la maison habillée où quelqu'un habite, où quelqu'un a un logement. On est d'accord, n'est-ce pas? Donc ça exclut le fait que quelqu'un va philosopher que même là-bas, ce n'est pas un bâtiment. On n'a pas dit qu'on serait dans un bâtiment. C'est dans une maison où quelqu'un habite. D'accord? Avançons. Ils partirent et trouvèrent les choses comme il leur avait dit. Oui. Et ils préparèrent la Pâque. Oui. Ils ont préparé, n'est-ce pas? Préparer, ça veut dire qu'on met les éléments prêts. En attente de ces choses-là. On met les éléments prêts. Ça suppose donc qu'ils doivent connaître le jour. Ça suppose qu'ils doivent connaître le jour. Vous savez, n'est-ce pas? Avançons. L'heure étant venue. Stop. Donc, l'heure étant venue. Donc, il y a une heure pour cela. Donc, une période. L'heure ici, ça ne veut pas dire que 18h, 19h, 20h, c'est pas ça. Ça veut dire qu'une période, c'est ce qu'on a dit là, la période là, le soir étant venu. Or, le soir commence à partir de 18 heures. Donc, on ne peut pas célébrer la scène avant 18 heures. Vous savez ce que vous avez saisi, n'est-ce pas? On ne doit pas célébrer la scène avant 18 parce que le soir, même si c'est à 17h52, on ne peut pas célébrer parce que ce n'est pas encore le soir. Vous savez, n'est-ce pas, frère? Allons-y. Il se mit à table et les apôtres avec lui. Oui. Il leur dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous. Oui. Avant de souffrir. Oui. Car je vous l'ai dit, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Stoppons là-bas et voyez, vous avez encore quelque chose, une révélation qui se cache derrière. Jésus dit que allez préparer la Pâque pour que nous la mangeons ensemble. Donc pendant qu'ils sont en train de manger, ils mangent. On est d'accord? Après ici, il dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec. Donc les deux vont manger, et les disciples, et lui va manger. N'est-ce pas? Mais quant à ce qu'il y a du pain et du vin, vous allez remarquer très bien qu'il n'a pas touché. Parce qu'on a dit clairement que après, dans l'autre passage qu'on a lu, après avoir rompu, il leur donna. Or, le manger, ils mangeaient ensemble. Vous savez, n'est-ce pas? Il va manger la nourriture ensemble. Et souvenez-vous, je suis en train de parler de Jésus. Ça ne veut pas dire que quelqu'un qui va célébrer, lui n'a pas mangé le pain. Il veut seulement que vous regrettez quelque chose par rapport à Jésus. Parce que c'est pour vous montrer que si Jésus c'était le pain qu'il est en train de manger, ça serait une contradiction. Il ne peut pas manger son propre corps. Est-ce que vous comprenez? C'est pour dire qu'il y avait quelque chose en dehors du pain. Le pain, c'est seulement les disciples qui participent. Jésus ne mange pas ça. La coupe, c'est seulement les disciples qui participent. Jésus ne boit pas ça. Il ne peut pas boire son propre sang, manger son propre corps. C'est ça, n'est-ce pas? Parce que quand il rompt le pain, il leur donna. Alors qu'ici, il dit que j'ai désiré manger cette Pâque. On se comprend, n'est-ce pas? Ok, avançons là. Et ayant pris une coupe et rendu grâce, oui, il dit, oui, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Stoppons donc là-bas. Vous voyez maintenant que quelque chose commence à poindre à l'horizon. Lorsque nous voyons ici, vous allez remarquer très bien qu'on n'a même pas encore parlé du pain, n'est-ce pas? Vous remarquez qu'on n'a pas encore parlé du pain. On dit qu'ayant pris une coupe, et après rendu grâce, il le donne. Or, dans Matthieu, vous avez vu très bien qu'il s'agissait d'abord du pain. Qu'il avait rompu le pain, le donnant, et après qu'il a donné la coupe. C'est pour cela qu'il faut être inspiré et dirigé par Dieu pour faire ces choses-ci. Sinon, tu ne sauras pas ce qui va se passer. Donc, Luc commence à présenter quelque chose. Il dit qu'il a pris une coupe, comme si Jésus était là. Il a pris la coupe, directement, il leur a donné. Or, on n'a pas dit quelque chose ici, là, comme dans Matthieu, quand on dit que c'est pendant qu'il m'a mangé. On a l'impression, comme les étapes, il a foncé à la voix. Merci Seigneur. Et il leur a donné. Pourtant, dans l'autre cas, il y a une précision. Pendant qu'il m'a mangé, il a d'abord pris le pain, il a rompu. Est-ce que vous comprenez? Donc maintenant, après avoir vu tout le tableau, il va maintenant donner élément après élément ce qui passe après telle ou telle chose pour que vous saisissiez la chose, d'accord? Amen. Donc après avoir lu tout cela, on va arranger la chose. Qu'est-ce qui est passé, doit passer en premier? Est-ce le pain? Est-ce le vin? Et comment ça va se passer? Lorsque nous avons lu dans le livre de Matthieu, on a eu comme l'impression qu'après avoir donné le pain du tout, pendant qu'il était en train de manger, là justement donné la coupe, d'accord? Mais vous allez voir que ce n'est pas comme ça. De toute façon, je comprends maintenant pourquoi Jésus a mixé ça comme ça. S'il ne mixait pas comme ça, pourquoi ça embrouille les théologiens? C'est que ses enfants ne devaient pas savoir. Tu peux aller manger sur la table de Satan sans en rendre compte. Il a fait ça comme ça pour que ses vrais enfants le fassent comme il le veut. C'est n'est-ce pas? Même si les théologiens voudraient faire un peu comme ça, ils ne peuvent pas imiter ça. Avançons. Quand je vous l'ai dit, je ne boirai plus désormais de fruits de la vigne. Stop. Jusqu'à ce que... Soulignez fruits de la vigne. Vous y êtes? Ok. Il faut qu'on explique aussi ceci. C'est encore un autre problème. Vous prenez 5 dénominations différentes. Vous allez voir d'autres mettent le Coca-Cola. D'autres mettent la grenadine. Tu dis, pourquoi est-ce que tu mets la grenadine? Il dit, c'est parce que c'est rouge. D'autres prennent le foléré. Tu dis, pourquoi est-ce que tu prends le foléré? Parce que c'est rouge. D'autres, c'est le ganja. Tu dis, c'est pourquoi? Il dit que c'est parce que c'est le vin. La Bible, quelqu'un dit encore, sola scriptura. La Bible dit que c'est le fruit de la vigne. Maintenant, si vous vérifiez dans tous les versets, c'est-à-dire que ce soit Matthieu, Marc, Luc et Jean, partout on va toujours parler des fruits de la vigne. Il dit de ce fruit de la vigne. Je ne boirai plus jusqu'à ce que... Frère, regarde, chaque fois, après que tu quittes, mets un poste de la Bible là-bas, un trait de la... Parce que c'est toi qui vas lire ce soir, ce soir, quitter. Mets une trace de Big chaque fois qu'on met un poste pour commenter. Verset 18, bon. Quand je vous le dis, je ne boirai plus désormais de fruits de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Stop. Le Seigneur Jésus, il y a des choses qui se cachent ici derrière, maintenant qu'on va voir, vous allez remarquer pourquoi. Et quand je dis Follerie, Grenadier, Ganzai, autre, là, vous allez voir quelque chose là maintenant derrière. Le Seigneur Jésus qui dit que, regarde, prenez ceci. Si c'est mon sang, on va revenir sur ça par rapport à la célébration. Il dit que ce qui est dans la Bible nous dit que ce qui est dans la coupe s'appelle quoi? Fruit de la vigne, n'est-ce pas? Il dit que je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne. Donc à partir de ce soir, si c'était terminé, il dit jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que quand le royaume de Dieu va venir, qu'est-ce que Jésus va faire? Il en boira encore. Frère, lisons la Bible tout simplement et le ressent la Bible voir. Regardez, je ne boirai plus jusqu'à. Ça veut dire qu'après, quand la chose va s'accomplir, il va faire quoi? On est d'accord là, hein? C'est ce qu'il a dit de dire. Je ne boirai plus jusqu'à ce que le royaume vienne. Donc, dès maintenant, jusqu'à ce que le royaume vienne, ça ne passera plus par ma bouche. Donc, après que le royaume va venir, je vais encore boire. Maintenant, c'est voici la chose. Répondez-moi seulement par oui ou par non. Y aura-t-il l'alcool quand le royaume de Dieu va venir? Répondez-moi maintenant. Y aura-t-il, dans le royaume de Dieu, y aura-t-il l'alcool? Quelqu'un pourra-t-il saouler? Je recommence encore ça autrement. Y aura-t-il des bactéries dans le royaume de Dieu? Qu'est-ce qui fait qu'il y ait l'alcool? Qu'est-ce qui produit l'alcool? On a un médecin, on ne peut pas. La fermentation. Qu'est-ce qui cause la fermentation? Dans le royaume de Dieu, y aura-t-il des bactéries? Répondez, frère. Y aura-t-il des bactéries? Y aura-t-il la fermentation? Donc, il ne peut pas avoir d'alcool. Et Jésus quand il nous signifie exactement la nature de ce qui est dans la coupe ici. Quelqu'un dit sola scriptura. J'arrive doucement, je veux que vous saisissez cela. Alors, il dit, je ne boirai plus jusqu'à. Donc après cet événement, ça va se passer encore de nouveau dans le royaume de Dieu. Alors maintenant, si vous lisez dans l'autre passage de la Bible, vous allez voir, il dit jusqu'à ce que ça soit accompli dans le royaume. Or, Jésus nous a dit clairement que ça va se passer. Le grand souper, il s'agira de cela. La soirée de la fête qu'on aura au ciel, la chose là, on va boire ça là-bas. Vous savez ça, n'est-ce pas? Donc ne me dites pas qu'on va fêter tellement là-bas qu'on a tellement souffert sur la terre. Seigneur, donne-moi encore une coupe, parce qu'étant, on commence à faire comme ça que Jésus, on dort ici aujourd'hui. Il n'y a pas ça, n'est-ce pas? Suivez la parole du Seigneur. Dès aujourd'hui, c'est terminé avec le fruit de la vigne. Ça ne doit plus se passer dans ma bouche jusqu'à ce que le royaume de Dieu vienne. Et on attend le royaume de Dieu. Quand ça va venir, Dieu va renouveler toutes choses. Il n'y aura plus de traces des maladies, plus de vieillesse, plus de quoi que ce soit. Encore, cette vieillesse-là, maladie et autres là-bas, ce sont des bactéries qui forment cela, qui causent cela. Pas vrai? On se comprend? Donc, la fermentation est causée par des bactéries. L'alcool, par conséquent, donc l'alcool. Le fruit de la vigne, c'est un fruit. Même votre goyave, vous faites le jus de goyave, vous faites de la papaye, vous déposez là-bas, ça va fermenter. C'est pas ça? La question maintenant c'est, Jésus dit, jusqu'à ce que le royaume de Dieu vient. Est-ce que le royaume de Dieu va venir? Est-ce qu'il y aura dans l'alcool? Je suis en train de dire au cas où les gens mettent quelque chose qui est alcoolisé dans le jus, dans le verre, vous faites la sainte scène avec, d'accord? Ils sont en train de dire comme ça que c'est même, parce que c'est la même chose qu'on boit là, qu'on a bu cette soirée là, c'est ça qu'on va boire quand Jésus va venir. Vous savez ça, n'est-ce pas? Donc il faut que ce qu'il a mis ce soir là, dans le truc là, dans le nouveau royaume, c'est ça qu'on va encore boire. Donc vous voulez dire que. Si c'est le folerie, ce n'est pas important. Vous voulez dire qu'à le royaume de Dieu, il y aura le folerie. Il y aura le folerie là-bas, mes chers. Dites-moi, il y aura le folerie là-bas. Si vous mettez le Gandia, varon de base, vous appelez varon de base, c'est varon de quoi là, de Madrid. Si, il y aura ça là-bas. Je commence. Si vous mettez la grenadine, parce que c'est rouge comme le sang de Jésus, il y aura la grenadine là-bas. Dis à ton voisin, il faut qu'on revienne à l'ordre. On est d'accord, n'est-ce pas? L'explication prophétique du fruit de la vigne est donnée dans la Bible, dans le livre de Deutéronome, chapitre 32, le verset 14, la partie C. Notez seulement, parce qu'on va y revenir, laissez-moi citer. Et dans Ésaïe, chapitre 5, d'accord? Vous lisez Ésaïe, chapitre 5, on parle du fruit de la vigne comme étant la droiture, le jus du raisin, d'accord? Le raisin, c'est le symbole de la droiture et de la justice. C'est pas ça, frère? Donc, Ésaïe, chapitre 5, ça se trouve là-bas. Il a dit qu'Israël était planté comme une vigne. Il avait espéré la droiture. Et voici, ils ont produit plutôt l'injustice. Donc, vous y êtes, n'est-ce pas? Deutéronome, chapitre 32, le verset 14, la partie C. Parce que le Deutéronome, là. Le Deutéronome, chapitre 32. C'est ça, non? verset 14, la partie C. Alors là-bas, la Bible définit que donc le sang, donc, c'est le jus du raisin. Donc, c'est le symbole du jus du raisin. Le sang. Ok, okay, lisons donc ça. Il dit, c'est 14 là, c'est vraiment, verset 14 là, c'est vraiment beaucoup. Donc, lisons la partie C. Si vous pouvez identifier la partie C et l'en lire directement. Vous êtes dans Deutéronome. Je dis c'est long. Je veux que quelqu'un qui pourra m'identifier la partie C. Il y en a un on parle du sang. Vous avez bu le sang, le sang, ainsi de suite. Tu as trouvé déjà? Tu as trouvé, frère? Tu as trouvé la partie C? Mm-hmm. Si tu te plaît, lis à haute voix comme ça, déjà, écoute. Deutéronome 32, 14, la partie C. Oui. C'est toujours la dernière partie du décalage. Et 14. Tu as bu le sang du raisin, le vin. Stop. Vous avez vu, n'est-ce pas? Tu as bu quoi? C'est pas croyable. Tu as bu le sang du raisin. Qui a appelé quoi? Le vin. C'est donc pour cela que le Seigneur a utilisé ce raisin-là comme le symbole de son sang qui est versé. Est-ce que vous saisissez? Vous lisez la Bible, il y a n'importe quoi, pourquoi on dit quelque chose pour rien, alors que ça donne des renseignements. Il dit, tu as bu le sang du raisin, le vin. Bon. Il dit que c'est Deutéronome 32, 14, C. 14. Où est-ce que votre, ton Deutéronome se trouve là? C'est 32. Oui, c'est 14, se trouve. Aussi, 14. Tu vois que c'est long, jusqu'à la fin. Et tu as bu le sang du raisin, le vin. Donc, le raisin est un symbole du sang. C'est pour ça que Jésus a utilisé comme voici mon sang qui est versé. C'est le deuxième argument pour montrer que ça ne peut pas être autre chose que le jus du raisin. C'est la deuxième argument. Premier argument, Jésus a dit qu'il va reboire ça encore. Et si cette chose qui est dans la coupe, il a dit qu'il va reboire ça quand le rhum va venir. Si c'était alcoolisé, vous voulez dire par là qu'il y aura l'alcool dans le royaume de Dieu. Donc quelqu'un pourra saouler. Ou bien vous allez voir que peut-être au ciel, on a écrit consommer avec modération. Que les anges buvaient ne saoulaient pas. Comment frère? Oui, cette partie, quand ils mettent le vin, c'est comme si on peut penser que. Non, on ne peut pas penser quoi que ce soit. Il a parlé du raisin là-bas. Il a expliqué. Il parle du raisin. Donc, on voit quelqu'un dire que tous les vins sont le raisin. Quand il a parlé du raisin, ça veut dire que lorsqu'on parle du fruit de la vigne, c'est là ce qu'on appelle le raisin. Le fruit de la vigne, c'est le raisin. Tu voulais parler? Je lis ça ici. Oui, lui, ça c'est la version d'Arbi. Oui. Lui, nous, ça ferait. Et tu as bu le vin pur. Voilà. Le sang du raisin. Voilà, le sang du raisin. Ici, d'Arbi dit vin pur. Et l'alcool n'est pas pur. Oui, c'est peut-être là, parce que moi je disais en rapport avec le fait que quand on met vin... Oui, on peut seulement voir que c'est n'importe quel genre de vin. Oui, on voit déjà qu'il y a fermentation. Ah ben, de toute façon, Dieu nous a aidé qu'il y a le plus sur ça. N'ayez pas de fermentation. On est d'accord, non? Ça, c'est le deuxième argument. Je recommence encore les arguments pour que vous voyez. Premier argument, Jésus a dit qu'il va reboire dans le royaume de Dieu. Donc, dans le royaume de Dieu, il ne peut pas avoir d'alcool. On est d'accord? Deuxième argument, le fruit de la vigne est le symbole du sang de Jésus. C'est ce qu'on vient de voir. Troisième argument, Ésaïe chapitre 5. Ésaïe chapitre 5, je crois le verset 7 comme ça. Le verset 1 et le verset 7. Si quelqu'un a là, Ésaïe le prophète. Donc les trois arguments sont suffisants pour ne plus tergiverser au sujet de qu'est-ce qu'on va prendre quand il y a le... Frère, souvenez-vous, ce n'est pas quelque chose qu'on dit que moi je pense qu'il n'y a pas de mal à se... Nous avons dit sur la scripture, c'est pour ça que chaque élément qu'il avait dit, on doit vraiment voir ça dans la Bible. Dieu ne nous a pas laissé au hasard. D'accord? Si tu dis que je prends le foleré, l'autre le gandia, quelle est la base? Vous y êtes dans Ésaïe chapitre 5? Ésaïe, tu as trouvé mon cher? Fais-tu y là-bas? Mm-hmm. Oh, tu peux lire, pardon. Lis le verset 1 d'abord, voir. Je chanterai à mon bien-aimé le cantique de mon bien-aimé sur sa vigne. Stop. Je chanterai à mon bien-aimé le cantique de ma bien-aimée sur sa... Vigne. Donc commençons à mettre le mot vigne. D'abord, la vigne produit quoi? Raisin. Ok, avançons. Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile. Oui. Il en régna le sol, ôta les pierres et y mit un plan délicieux. Oui. Il bâtit une tour au milieu d'elle et il y creusa aussi une cuve. Puis il espéra qu'elle produirait de bons raisins. Stop. Vous avez vu, n'est-ce pas? Alors, on parle comme ça aux gens qui partent au champ. Ils peuvent facilement comprendre. Il faut que cette maman ait la Bible. Ce n'est pas des Bibles. On ne t'a pas donné. Souvent, une Bible pour le moment. Même, prends ma Bible alors. Prends ma Bible. L'autre là peut lui casser les mains. Ah, ça pèse trop là. Donc, remarquons très bien. On dit que bien-aimé avait quoi? Une vigne. En fait, on en a parlé d'Israël ici. On en a parlé d'Israël. Mais dans cette façon, on en a parlé d'Israël. D'accord? Mais regardez les symboles qu'on a utilisés. On plante une ville. On dit qu'il espérait quoi? Le fruit qui va sortir là-bas, c'est quoi? Frère, s'il vous plaît, répondez-moi. Vous me fatiguez. Du bon raisin. Et on venait voir la définition du raisin là-bas dans le Deutéronome là. N'est-ce pas? Ok. La personne qui a planté sa vigne, on voit un arbre, il y a quelque chose qui l'espère là-bas, d'accord? Il appelle ça du bon raisin. Maintenant, continuons la suite. Mais elle en a produit de mauvais. Elle a produit du mauvais. Quelque chose est sorti. Donc, le raisin qui est sorti là-bas n'est pas le bon raisin. Après, on va expliquer maintenant. Ici, on a parlé de deux choses. Il espérait bon raisin. Qu'est-ce qui est sorti? Mauvais raisin. Avançons. Maintenant, donc, habitants de Jérusalem, et homme de Juda, oui. Soyez juge entre moi et ma vigne. Donc vous-même considérez, voici l'arbre qui est planté. J'espère quelque chose. Voici ce qui est arrivé. Vous-même jugez en vous-même. Verset 7, allons au verset 7. La vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël. Oui, je vous ai dit qu'on parle d'Israël ici. Donc, chaque fois que vous allez voir dans la Bible, prophétiquement, on parle des vignes, sachez que Dieu en a parlé comme ça d'Israël. D'accord? Quand c'est prophétique, comme j'ai dit tout à l'heure, quand on parle de l'église au sens prophétique, enfin, de la femme au sens prophétique, il s'agit de l'église qu'on en a parlé. Il dit, la vigne, c'était quoi? La maison d'Israël. Avançons. Et les hommes de Juda, c'est le plan qu'ils chérissaient. Oui. Il avait espéré de la droiture. Stop. Quand il a planté la vigne ici, on a dit qu'il y avait deux, il espérait quelque chose sorti. Il a dit que ce qu'il espérait, c'était quoi? Quand il parlait en image. De bons raisins. Je vais le mot bon raisin. Donc il espérait le raisin, le bon. Ici, quand il parle maintenant dans la définition de ce qu'il a dit, il dit Israël, c'est la vigne. Quand il a planté Israël, il espérait quoi d'eux? Non. Quand il a mis l'arbre ici, il espérait quoi dans l'arbre? Maintenant, quand il va sur la définition par rapport à l'image, Israël représente quoi? Non. Ouais, mes frères, je sens qu'il ne doit plus utiliser ces images, c'est pour vous compliquer la vie. On ne veut pas répondre. Non, pas que vous ne voulez pas répondre, c'est que je ne me fais pas comprendre. Nous, on n'a pas ça en tête comme vous. Le frère, c'est encore avec. On n'a pas ça en tête. C'est rapide. Regardez bien, n'est-ce pas? Ok, je vais aller doucement. Je vais aller doucement, n'est-ce pas? Oui. Regarde. Voici une femme. Voici une femme, n'est-ce pas? Si vous lisez Éphésiens chapitre 5, il dit, femme, sois soumise à ton mari, comme l'église doit être soumise à Christ. Dans cette parabole-ci, Dieu veut dire que la femme-ci est comme l'église-ci et l'homme-là est comme Christ. Donc, chaque fois, si Dieu veut utiliser une parabole pour parler de la femme, il faut qu'on comprenne par là qu'il en a parlé de... S'il en a parlé de l'homme en parabole, il en a parlé de qui? On est d'accord, n'est-ce pas? C'est ce langage qu'il en a utilisé ici. Il dit au chapitre 1 que Dieu a planté un arbre qu'on appelle la vigne. On est d'accord? Au verset 7, il dit que le plan, la vigne-là, c'est Israël. C'est une image qu'il a dit d'utiliser. Verset 1, il dit qu'il a planté un arbre qu'on appelle la vigne. N'est-ce pas? Au verset 7, il dit que la plante là, c'est Israël. Donc l'arbre vigne correspond à qui? Israël. Maintenant, revenons sur l'arbre. Il dit qu'il voulait que quand il a planté cet arbre-ci, des bons raisins sortent de là. On est d'accord? Maintenant, quand il a dit là-bas, il a dit que Israël, le réseau verset 7, il dit que quand il a mis Israël, qu'est-ce qu'il espérait? La droiture. Donc, si la plante là symbolise Israël, ce qu'il espère que ça sorte ici dans ce plan, c'est quoi? Le bon raisin. Ça, le bon raisin symbolise quoi ici d'Israël? Donc, le raisin est un symbole de la droiture. Quelque chose qui est droit. Vous saisissez, n'est-ce pas? C'est pas moi, c'est la Bible là qui définit. On est d'accord? Maintenant, il a dit que comme il voulait le bon raisin ici, quelque chose plutôt est sorti. Quoi? Le mauvais raisin, n'est-ce pas? Continuons le verset 7 là. Et voici du sang versé. Du sang versé, c'est-à-dire quoi? Continue. De la justice et voici des cris de détresse. Voilà, donc chaque fois il va dire que justice ici, donc il y a le bon raisin ici, mauvais raisin. Donc chaque fois que quand il y aura quelque chose de bon, c'est pour le raisin, jus de raisin, n'est-ce pas? C'est pour le raisin bon. Quand il y aura quelque chose de mauvais, ça représente le mauvais raisin, n'est-ce pas? Mm-hmm. Malheur à ceux qui ajoutent maison à maison. Non, ça va, ça pour ceux qui ont beaucoup de champs là, ça c'est une autre chose. Donc, donc il dit que j'avais planté ma vigne, j'espérais. Ça c'est le verset là. Le verset 8 là, c'est le verset 8, n'est-ce pas? Le verset 8 dit clairement qu'un homme ne peut avoir plusieurs maisons. Il ne peut avoir plusieurs champs. Donc on va revenir sur ça. Donc, l'arbre produit, doit produire le jus du raisin, le bon raisin. Dieu a constaté que ce soit produit plutôt le mauvais raisin. Il dit que Israël, il attendait d'Israël la droiture, et on a produit l'injustice, donc les voies détournées. Donc, Dieu prend comme ça le raisin comme étant le symbole de la justice. Or, jusque c'est le juste juge, le droit. On se comprend? La droiture, c'est pas Jésus. Tout ce qui est droit, c'est de Jésus. Il prend donc le fruit de la vigne, donc là, pour symboliser effectivement la commémoration. Pour que quand quelqu'un est en contact avec lui qui marche dans la droiture. Vous avez compris, n'est-ce pas? Donc, ce qui doit être la coupe dans la commémoration ne peut et ne doit être que quoi? Le fruit de la vigne. C'est compris, frère? Revenons sur l'élément pain. Parce que nous savons que lors de cette commémoration, il doit y avoir le pain là au milieu. On a vu que c'était le jour des pains sans levain. Donc le pain ne doit pas être servi à des pains. Le jour-là, il ne doit même pas avoir de beignets sur la table. Parce que si vous lisez dans Exode chapitre 12 et dans tous les autres, on a dit que ce jour-là, des levains ne doivent pas se retrouver dans ta maison. Si vous comprenez. C'est-à-dire que le jour que vous allez servir dans cette maison-ci, il ne faut pas que vous mettez la nourriture sur la table et vous mettez du beignet. Parce que le beignet, comme le beignet que nous avons mangé ce matin-ci, il y a du levain dedans. Vous saisissez? Donc, le pain qui doit être au milieu ne doit pas contenir de levain. Le levain, c'est comme on appelle ça his. Pour que ça fait gonfler. Parce que le levain dans la Bible, l'une des définitions du levain, l'un des symboles du levain, c'est le symbole du péché. D'accord? Des fausses doctrines, des faux enseignements. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Un peu de péché. Donc, le corps de Jésus-Christ est-il avec péché? Donc, c'est le symbole du pain sans levain. Voilà pourquoi le pain qui doit être là-bas doit être sans levain. D'autres personnes prennent ce pain aussi, ils le coupent petit. On a déjà résolu le problème de petit, qu'on coupe là-bas. C'est déjà un problème. Deuxième problème, c'est que si c'est un pain qui est comme ça, là, c'est encore un autre problème. Donc, les gens qui viennent dans la Sainte-Sainte, dans la domination, ont des problèmes avec Dieu. Autre chose, c'est que même s'ils respectent toutes les conditions qu'on a vues là, en mettant toutes les choses là sur la table là-bas, ils mettent même les nourritures là-bas, quand ils finissent de mettre ça dans la table, tout le monde est assis. On dit, ok, transporter ça pour aller dans la maison de quelqu'un, ça doit servir que dans la maison. Vous saisissez, n'est-ce pas? Ok, maintenant, on a vu le cadre du jus et du fruit de la vigne. Frère, donne un exemplaire. Sors un exemplaire pour qu'on voit, frère. Que Dieu vous bénisse vraiment. Que Dieu vous bénisse pour l'amour, pour la parole. Tout ce que je souhaiterais seulement, le jour qu'on va se retrouver devant le Seigneur, que vous sachiez que je vous aime. C'est pour ça que je suis obligé de vous dire la vérité. D'accord? Même s'il y a des aspects que peut-être il dit, je suis trop violent, c'est parce que je sais que c'est que Satan fait. Quand Satan veut violenter les gens, il ne badine pas. D'accord? Donc pour arracher, même s'il faut arracher, même si j'arrête. Même... Prends un exemple, frère. Oui. Non, c'est pas la cassette, c'est le. Prends le jus, prends le jus. Ouais, c'est pas croyable. Même si, vous savez, si quelqu'un vous arrête comme ça, viens ma petite fille là, viens. Maman, arrête sa main là. Signe bien. Hein. Supposons que, je sais que si essaie de la tirer. Si sa maman en train de tirer sa fille, et que si elle va de ce côté là, c'est la dérive. Je l'arrête comme ça, je tire. Si je peux tirer toutes mes forces parce que sa main s'y sort, pour que tout son corps vienne par ici, ça va lui faire mal sur la main, mais c'est quand même mieux, pas vrai? Si, parce qu'il sait que si on la lèche là-bas, c'est tout son corps qui va partir vers la périsson. C'est pour dire que même si il vous frappe avec la parole comme ça, ça fait mal. Ça fait mal pour un but. Pour qu'on quitte la partie qui est mauvaise pour venir vers Dieu. D'accord? Donc voici donc ce qu'on appelle donc le fruit de la vigne. On appelle ça le nectar de raisin, c'est là. D'accord? Voilà ça. Ici, c'est écrit là-bas, jus du raisin. C'est le jus du raisin. Voilà ça. Voilà le fruit de la vigne. Voilà ça. Il n'y a pas d'alcool dedans. D'accord. Alors, tout à l'heure, on va boire. Chacun va boire, d'accord. Une sœur, ah, voilà, la salive directement. Donc, vous allez boire. Chacun va boire. On va boire ça. Ça va finir. Donc, maintenant, c'est pour ça qu'il dit qu'on va faire une phase pratique. Et la phase pratique, ce n'est pas pour dire qu'on a célébré la scène. Ne sortez pas si vous allez dire que vous allez célébrer la scène. C'est seulement pour que vous buvez, vous voyez comment ça se passe. Je vais faire, il faut qu'on fasse un exemple. Pour que le jour que vous allez réunir, que vous fassiez exactement comme ça. D'accord. Donc, on va goûter ça tout à l'heure. Mais. Je n'ai pas utilisé ce pain-ci, pourquoi moi? Parce que moi, ça, c'est une perversion déjà. Je veux seulement prendre ce pain pour montrer que le pain ne doit pas être comme ça. Donc, ça ne doit pas contenir le his là. D'accord? Ok, donc voilà les deux éléments. Autre chose maintenant, c'est ceci. C'est que, qu'est-ce qui passe avant? Est-ce le pain qui doit passer avant ou bien c'est ce qui doit passer avant? C'est encore un autre problème. Mais nous sommes dans Luc. Vous avez remarqué que lorsque nous lisons Luc, c'est dans Luc que nous lisons, n'est-ce pas? Luc chapitre 22 là. Quand le frère a commencé à lire avant qu'on avance, c'était Luc, non? Luc chapitre 22. Vous avez remarqué que quand le soir est venu, on dit pendant qu'ils étaient à table, directement Jésus a pris le vin pour donner. Pas le jus de fruit là pour donner, n'est-ce pas? Oh, vous allez continuer en bas, on va encore réexpliquer encore. Vous avez comme l'impression que c'est deux éléments, deux événements différents. Donc rentrons dans Luc chapitre 22 là. Luc chapitre 22. Continue là où tu t'es arrêté, frère. Bon. Tu es sûr que tu as été retrouvé facilement maintenant? Oui, ça va. Ensuite, il prit du pain. Stop. Donc, reviens encore verset plus haut pour lire avant de lire ensuite. Allons-y. Car je vous l'ai dit, je ne boirai plus désormais de fruits de la vigne. Oui. Jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Voilà. Donc, nous voyons très bien que dans Luc, on a comme l'impression qu'il a pris le fruit de la vigne, l'a donné, et parce que le verset suivant dit qu'ensuite, il prit du pain. Est-ce que vous comprenez? Or, lorsqu'on a lu, je veux que vous compreniez, sinon vous allez rater la chose. Or, quand on a lu Matthieu aujourd'hui, on a dit clairement que c'est apparemment qu'il mangeait, qu'il a pris le pain. Il a rompu et après, il va donner, n'est-ce pas? Ici, dans Luc, on a comme l'impression que c'est plutôt le sens contraire. Ah, c'est pour ça que dans Luc, ça s'est écrit deux fois. On parle de deux fois du même événement. Avançons en bas. Et après avoir rendu grâce, oui. Il le rompit et le leur donna en disant, ceci est mon corps, oui. Qui est donné pour vous. Voilà. Vous voyez très bien qu'on parle maintenant de cette partie du pain, n'est-ce pas? Mais on a parlé du jus de raisin avant ça, n'est-ce pas? Avançons. Faites ceci en mémoire de moi. Soulignez ça. Voilà un commandement. Ce même commandement-là est donné lorsqu'il s'agit d'Israël. Dieu avait dit clairement dans le livre d'Exode 12 qu'on a vu là-bas que tout Israël célébrera la Pâque. C'est un commandement. Donc si tu es d'Israël, tu dois célébrer la Pâque. Vous y êtes? À partir de... Chaque fois qu'on arrête, si on arrête dans un livre, on n'a pas encore fini, mettez le point là-bas pour que quand on va revenir, vous continuez facilement. Donc, je suis en train de dire ceci. Il dit, faites ceci en mémoire de moi. Souvenez-nous, là, on est en train d'aller maintenant, c'est pour regarder l'ordre des choses. Comment, qu'est-ce qui passe avant quoi, d'accord? Donc, maintenant, continuons, mon frère. Il prit de même la coupe. Stop! Vous avez vu maintenant, là où le problème arrive, n'est-ce pas? Je ne sais pas si vous avez vu le point, où le problème. Vous avez vu le problème, n'est-ce pas? Donc en réalité, si vous lisez la Bible, vous n'êtes pas vigilant, vous allez avoir des problèmes. Tout à l'heure, quand on a commencé, rentrons encore là, on a commencé, là où il a commencé à parler de la coupe. Allons-y, rentrons doucement. Non, on commence à partir de 19 ou bien 18. Voilà, 18. 18. Car, je vous l'ai dit. Non, remonte. Ok. Ayant pris une coupe, oui. Et rendu grâce, il stop. Dit. Stoppons là-bas. Vous avez vu que là-bas, on donne le renseignement qu'il a pris la coupe, il a rendu grâce, il a dit, n'est-ce pas? Maintenant, lis maintenant en bas là où tu disais tout à l'heure, avant qu'il dit que tu t'arrêtes là. Le en bas là. Il prit de même la coupe. Stop. Vous avez vu le problème, vous avez vu vraiment le problème que je vous disais, n'est-ce pas? Je ne sais pas si vous constatez. Donc, on a comme l'impression que c'est deux fois que Jésus a fait ces choses-ci. Pas vrai? Or, c'est lui qui allait raconter le même événement. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que dans Matthieu 26, on a d'abord vu le pain avant que la coupe s'est passée. Mais si tu lis Luc, tu t'arrêtes au verset 18, tu vois comme l'impression qu'il a d'abord pris, quand il s'était réuni, il a pris la coupe, il l'a donné. Après, il prend le pain, il l'a donné. Luc revient encore sur le propos, il me commence à donner maintenant le vrai ordre. Allons-y. Après le souper. Stop. Depuis qu'il parle là, il n'a même pas parlé de la nourriture. Le souper vient plutôt le ménage. Alléluia. J'ai dit, j'aime le Seigneur, je vous le dis. La façon qu'il a fait, il a malaxé comme ça pour que si tu pars à l'école de théologie, on te donne la bosse ici, c'est un bruit. Ce qui distingue ici, c'est qu'on dit après le souper. Oui. Jusque là, c'est même pas encore fini, l'embrouille n'est pas encore fini. L'embrouille n'est pas encore fini. Alors, Il dit c'est après le souper. Le renseignement ici déjà c'est quelque chose déjà. C'est que il y a déjà quand même le souper. Donc il y a la nourriture. Donc si Luc n'avait pas mentionné ça, on devait croire que peut-être que Luc n'avait pas vu qu'ils avaient mangé quelque chose. Or, lorsqu'on a vu là-bas, on a dit qu'il a pris la coupe, il a donné. On n'a pas fait état de la nourriture. Luc dit que c'est après le souper. Et le souper, c'est la nourriture. Après le souper. Après le souper, et là leur donna en disant. Non, il prit après le souper et la leur donna. N'est-ce pas? Là. Elle mis pour coupe. On est d'accord? Donc c'est après le souper qu'il a donné la coupe. Souvenez-vous de ce que j'en ai dit. Quand on va passer à la pratique, il ne faut pas que ça vous embrouille. Il dit c'est après le souper qu'il a donné la coupe. Il a donné de vouloir corriger ce qu'il a dit en haut. Parce que quand on lisait à l'aube de ses propos, on avait comme besoin que quand il était à table, subitement il a pris la coupe, il leur a donné. Ça veut dire que quand ils étaient à table, à un moment donné, il a donné la coupe. Luc revient pour préciser qu'en réalité, la coupe qu'il a dit en haut là a été donnée après le haut. Donc gardez-vous à l'esprit donc, que la coupe est prise après que la nourriture soit terminée. Vous avez... Comment? C'est exactement ce qu'on a vu là-bas. C'est pour ça que vous avez dit tout à l'heure que vous allez voir que quand on parle comme ça, quelqu'un prend un peu, après prend un gobelet, il boit. Il y a un problème. Parce que voici le renseignement donc. C'est, on en prend étape par étape. Matthieu donne le grand renseignement que le pain a été donné pendant qu'il... Luc donne le renseignement que la coupe est donnée après. Donc ça veut dire que la nourriture est terminée. Alléluia. J'espère que ça se comprend, frère. Ok. Donc, il prit la coupe et la lettre donna après le... Avançons. En disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Cependant, voici... Bon, c'est fini. La main de celui qui me livre est avec moi. N'est-ce pas? Maintenant, observons quelque chose. Il manque deux évangélistes qu'on n'a pas encore lus. On est d'accord, non? Qui est qui? Allons donc dans cette progression, allons d'abord dans Marc, voir s'il va nous donner un élément nouveau. C'est pour ça que si vous lisez votre livre de Matthieu, vous dites non, j'ai déjà lu Matthieu, donc je connais dans les quatre évangiles, je m'en vais dans Actes des Apôtres, vous voyez. Il y a des choses qui se trouveront dans l'un qui ne se trouveront pas dans l'autre. Un vrai chrétien doit lire sa Bible minutieusement parce que chaque mot qu'il écrit a une signification, a une place, d'accord? Marc chapitre 14, 1012 pour ceux qui ont la Bible noire là. Marc chapitre 14. On y va. Donc identifiez exactement à partir du verset où on parle de la Pâque. On va commencer par le début. Verset combien? Lisons à partir du verset 12, mon frère. Okay. S'il te plaît, chaque fois qu'on arrête, mets le point là-bas, d'accord? Mm-hmm. Le premier jour de pain sans levain. Stoppons là-bas. Chaque fois qu'on va commencer cette histoire de Matthieu, dans Luc, dans Marc, les choses vont changer. On est d'accord? L'autre jour, on avait parlé de la fête de la Pâque. Un autre jour, on a parlé de pain sans levain. Ici, on précise que c'était le premier jour de fête de pain sans levain. Parce qu'en réalité, la fête de pain sans levain durait 7 jours. D'accord? Le premier jour de pain de la fête de pain sans levain. Allons-y. Où l'on immolait la Pâque. On précise que c'est le jour qu'on devait immoler la Pâque. Donc, si tu parles dans l'Ancien Testament, dans l'Exode chapitre 12, tu vas remarquer très bien que c'est le 14. Le soir du 14. D'accord? Alors, permettez-moi de dire quelque chose. Permettez-moi maintenant là de dire quelque chose. Je vais dire quelque chose là maintenant. Ça risque de vous choquer maintenant. Ça risque de vous choquer. Doucement, c'est pour ça qu'il veut votre attention là maintenant. On dit ici que le premier jour du pain sans levain où on devait immoler la Pâque. Immoler, ça veut dire qu'on devait immoler la Pâque, d'accord? Et Jésus-Christ fait ça le soir du 14 Nissan. Et la Pâque symbolisait la mort de Jésus. Jésus-Christ va donner le corps là. Rompre le truc, il dit que c'est mon corps qui est rompu pour vous, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas à ce moment-là que Jésus-Christ meurt. Vous savez ça, n'est-ce pas? Parce que c'est dans la nuit, là, qu'après qu'elle va finir, il va aller à Gethsémani, commencer à prier. Père, s'il est possible que cette coupe que je dois boire s'éloigne de moi. Mais toutefois, non pas ma volonté, mais ta volonté. Pendant qu'il sera de prier, c'est là où on va venir l'attraper. Vous savez ça, n'est-ce pas? Or, c'est dans la nuit que ça se passe, parce qu'on célèbre ça le soir. On est d'accord? La nuit profonde, il part au jardin pour prier. On l'attrape dans la nuit. Le lendemain, le jour et le lendemain, on commence à juger. Je vais dire quoi? Jésus-Christ que vous voyez là, qu'on célèbre là-bas, les dimanches, qui est ressuscité dimanche, n'est pas ressuscité dimanche, d'après la Bible. C'est grave seulement dans la Bible, dans l'histoire ici. Vous saviez ça? Doucement là maintenant. J'ai dit ceci. La tradition dit que Jésus est mort quand? vendredi, on célèbre même ça, on dit vendredi saint. Ah, les catholiques, je vous dis, les catholiques, ce qu'ils ont fait. Ok, supposons que c'est pour que vous saisissez. Si c'est le vendredi saint, je dis le mot vendredi saint, ça ne se trouve pas dans la Bible, d'accord? C'est eux qui ont, c'est les calendriers des catholiques là. Si c'est le vendredi, écoutez bien l'événement, je vais vous montrer quelque chose pour vous montrer que la Bible ne peut pas se contredire. Si c'est le vendredi, si c'est le vendredi, alors on se trouve dans la soirée, donc il y a des vendredis. Écoutez très bien. Dans la soirée du vendredi, à 18, à partir de 18, il célèbre sa chose. Dans la nuit, on va l'attraper. Le lendemain matin, on tombe à quand? Samedi. Vers le soir, on le crucifie. On est d'accord? Vers le soir, on le crucifie. On dit donc qu'il ressuscitait quand? Est-ce que le dimanche matin, donc, dimanche, ça fait 3 jours? Il devait passer combien de jours dans le ventre de la terre? Est-ce qu'il a fait 3 jours, si vous comptez comme ça? Donc il y a un problème. Il n'est pas mort vendredi. Il y a aussi peut-être au niveau du calendrier du romain. Mm-hmm. Non, non, mais, non. C'est pour ça que je n'aime pas citer au niveau du mois. Je parle du jour. Le jour, c'est le jour. Le jour parle de 18h à l'autre jour. Là, il n'y a pas d'ambiguïté. D'accord? Si on dit premier jour, le premier jour de la semaine, c'est dimanche. Parce que les juifs comptent en premier jour, deuxième jour. Parce qu'on avait dit que le sabbat, c'est le septième jour. Le septième jour correspond à notre samedi. C'est pour ça qu'il dit que si on le prend vendredi, le sabbat, parce qu'on a dit que c'était le sabbat, la veille d'un sabbat. Le sabbat, c'est samedi. Donc forcément, s'ils disent on l'a attrapé vendredi saint, ça veut dire qu'il est mort un samedi. Pas vrai? Tu comprends, frère? Donc on va revenir sur ça. Je vais vous montrer dans la Bible, effectivement, qu'il n'est pas mort un vendredi, mais les jours plus tôt. Qu'il est ressuscité, non pas un dimanche, mais il est ressuscité samedi justement. C'est dans la Bible, souvenez-vous, juste on débat de la Sainte-Sainte, c'est dans la Bible. Dis à ton voisin, sola scriptura. Alors je pose la question. Lequel de Jésus-Christ, le catholique, en train de faire que le monde entier en train d'adorer? Quel? C'est terrible. Vous avez fait l'église catholique, ils prennent le pain, ils se lèvent ça comme ça là. En ce premier jour de la semaine, c'est ça, n'est-ce pas? Que le Seigneur est ressuscité. C'est pas ce qu'ils disent. Il vous fait comprendre que le Seigneur qui serve là, c'est le Seigneur, dont le Dieu qui est ressuscité le premier jour de la semaine. Tout à l'heure, j'ai dit qu'ils ont un Dieu qu'on appelle le Dieu Apollon qui s'élève le 25 décembre. Ils ont encore un autre Dieu qu'on appelle le Dieu Soleil, Sunday. Sunday, le jour du dimanche. Dimanche, Sunday. C'est ça que les gens adorent comme ça là. C'est grave. C'est-à-dire que vous touchez n'importe quel aspect religieux aujourd'hui, il y a un problème. Et un chrétien dit clairement que tu dois passer Jésus-Christ a fait 3 jours, après 3 jours, il est au tombeau. Il dit qu'après 3 jours, après 3 jours au tombeau, Jésus-Christ est ressuscité. Il est allé au ciel. Tu dis, mais dans ce cas, votre vendredi saint, ça sort. Puisqu'on l'a attrapé dans la nuit, c'est le matin, l'autre jour qu'on l'a crucifié. On est d'accord, non? Parce que le sabbat était avant 18h, on l'a mis au tombeau. Le lendemain, dimanche matin, tu dis, d'après la chronologie, il est ressuscité. Donc, il a même fait 4 heures dans le tombeau. Le parle de Jésus. Et il a bien dit aux Juifs qui lui ont demandé, donne-nous un miracle. Il dit qu'il ne vous donnera des miracles que le signe de Jonas. Car de même que Jonas passa 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson, ainsi le Fils de l'homme passera 3 jours et 3 nuits dans le ventre de la terre. Donc il devait avoir 3 obscurités sur Jésus dans la tombe, 3 clartés. Souvenez-vous, dans Actes chapitre 3, verset 19 et 20, que j'ai dit, il dit que Jésus va rester au ciel jusqu'au temps de rétablissement de toutes choses. Donc tout doit être touché. Tout. Alors la majorité des chrétiens sont en train de servir Satan sans s'en rendre compte. Ils sont loin d'imaginer qu'ils sont en train d'adorer Satan. Loin. Avançons dans ce qui nous concerne ici. Donc il voulait seulement toucher ça parce que par rapport à la résurrection. Avançons. Mes disciples de Jésus lui disent, où veux-tu que nous allions te préparer la Pâque? Oui. Il envoya 2 de ses disciples. Stoppons là-bas. Vous voyez, dans l'autre là, on a cité les 2 noms. Dans l'autre, on n'a même pas cité. Ici, on dit que c'est 2 de ses disciples. Parce que le Saint-Esprit, c'est qu'il a donné le nom à une autre personne. Oui. Elle leur dit, allez à la ville. Vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le. Quelque part qu'il entre, dites au maître de la maison. Le maître dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Il vous montrera une grande chambre haute, meublée et toute prête. c'est là que nous vous préparerez, vous nous préparerez la Pâque. Oui. Les disciples partirent, arrivèrent à la ville, ils trouvèrent les choses comme il leur avait dit. Oui. Et ils préparèrent la Pâque. Oui. Le soir étant venu... Vous avez encore vu, n'est-ce pas? Le soir étant... Donc ça se célèbre à quel moment? Le soir. Pas vrai? Avançons. Il arriva avec les 12. Pendant qu'ils étaient à table et qu'ils mangeaient, oui. Jésus dit, je vous le dis en vérité. Donc nous trouvons dans l'explication de tout à l'heure, n'est-ce pas? Pendant qu'ils étaient à table et mangeaient, Jésus dit, oui. L'un de vous qui mange avec moi me livrera. Ils commencèrent à s'attrister et à lui dire, l'un après l'autre, est-ce moi? Il leur répondit, c'est l'un des 12 qui met avec moi la main dans le plat. Oui. Le fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui le fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne soit pas né. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Stoppons là-bas. Donc l'ordre pour le pain est donné. Pas vrai? Donc le pain est pris à quel moment? Donc quand vous allez célébrer, pendant que les gens sont en train de manger, il doit avoir un officiant. Il doit avoir un officiant, celui qui célèbre la scène. Pendant qu'on est en train de manger, on se sait n'importe qui se sait, ça sait tranquillement. Pendant qu'on est en train de manger, il se lève, il prend quoi? Du pain. Il prend le pain qui se serait couché là-bas. Il va rendre grâce au Seigneur. Seigneur, nous sommes réunis ici en ton nom parce que tu as demandé qu'on commémore, on fait ceci en mémoire de toi. Nous voulons manger de ces pains en souvenir du fait que tu as été crucifié pour nos péchés. Nous te remercions pour ce pain-ci. Après, il fait quoi? Est-ce que vous comprenez? Maintenant, si vous êtes assis, tel que vous êtes assis là-bas, vous êtes assis comme ça là, il donne au premier frère ici, il donne au premier ici. Tu manges ta part, tu casses ta part, tu manges, tu passes à ton voisin. Le voisin passe, il mange, il passe à son voisin. Le voisin casse, il mange, il passe à son voisin. Ça va comme ça jusqu'à ce que le pain finit. Vous comprenez, frère? Avançons. Et après avoir rendu grâce, oui. il le rompit et leur donna en disant, prenez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe. Stoppons là-bas. Vous avez remarqué maintenant, n'est-ce pas? On dit qu'il prit ensuite une coupe. Vous lisez, si vous avez l'impression que quand il a fini de donner le pain, suivez attentivement. C'est comme si quand il a donné le pain comme ça là, subitement la coupe suivait. Or, Luc nous a donné le renseignement que, en fait, la coupe est passée après le souper. J'espère qu'on se comprend. Voilà. Et après avoir rendu grâce, il la leur donna. Oui. Et ils en burent tous. Vous avez vu, n'est-ce pas? Ils en burent tous. Donc, il a donné la coupe, chacun a bu, n'est-ce pas? Et il leur dit, ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, qui est répandu pour plusieurs. Je vous le dis en vérité, je ne boirai plus jamais de fruits de la vigne. Oui. Jusqu'au jour où je le boirai nouveau. Stoppons. Je remercie le Seigneur pour ceci. Vous avez remarqué que quand nous avons lu dans Luc, nous avons compris effectivement comme ça, pas vrai? Parce que dans Luc, il n'avait pas précisé ainsi. Il avait dit que, dans Luc, il a dit, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume des cieux soit venu. J'ai dit que ça suppose qu'après le royaume va boire. Or, ici, je ne savais pas que ici, c'est précisé effectivement que jusqu'à ce que je boire de nouveau. Est-ce que c'est ici? Donc, Jésus qui vient d'affirmer effectivement ici. Parce que quelqu'un pourrait m'arrêter avec Luc en disant que qui t'a dit qu'il veut dire par là qu'il veut boire. Clairement, c'est ici. C'est clairement ici qu'il va devant encore boire. Raison encore ça, frère. Je ne boirai plus jamais de fruits de la vigne. Et il m'a compris que même ici, on a encore précisé fruits de la vigne. Jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. Vous avez entendu, n'est-ce pas? Donc il va encore boire, n'est-ce pas? Amen. Avançons. Après avoir chanté des cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Stoppons là-bas. Donc un élément nouveau apparaît, quoi? Chanter les cantiques. Vous parlez de la sainte scène biblique. Donc après, si vous lisez Matthieu chapitre 26, le verset 30, c'est précisé également là-bas dans Matthieu chapitre 26, verset 30. Donc après ça, il y a le cantique qu'on chante. Et les cantiques là que les juifs chantaient, c'est le psaume 118 jusqu'au psaume 136, comme ça. Quoi, il y a cette cantique. Donc ça veut dire qu'après la sainte scène, ils chantent les cantiques, ils tapent les mains. Après, maintenant, c'était terminé. N'est-ce pas, mes frères? Maintenant, lorsqu'on s'arrête là-bas, on a l'impression que tous les éléments autour de sainte scène sont terminés. Jean chapitre 13. Maintenant, quand nous allons lire Jean chapitre 13, nous allons voir maintenant qu'il y a des éléments qui sont dans Matthieu, Marc, Luc, qui ne se trouve nulle part dans Jean. Nous allons voir maintenant que dans Jean, c'est l'élément principal qu'on a représenté là-bas, ne se trouve nulle part aussi dans les trois autres. Puisse le Seigneur utiliser ce message pour réveiller tous les membres du corps qui étaient endormis dans ce sommeil de souladise dans les dénominations appelées la célébration de la scène. On est dans Jean chapitre 13, n'est-ce pas? Nous allons lire doucement du verset 1. Puis nous allons, chaque fois, s'il vous plaît, quand nous lisons, on va s'arrêter chaque fois pour voir les événements, n'est-ce pas? Nous allons lire du chapitre 1, du verset 1, pardon, jusqu'au verset 16. Allons-y, frère, allons-y. Okay. Avant la fête de Pâques, oui. Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père. Remarquez chaque fois comment on introduit, et c'est toujours différent. Vous avez remarqué, n'est-ce pas? Sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père. Et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, oui. Mis le comble à son amour pour eux. Stoppons. Quelque chose est en train de vouloir être présenté ici. Et la façon dont le frère Jean présente ici commence à nous intéresser. Nulle part on ne dit par rapport à ces choses-ci, dans ni Matthieu, ni Marc, ni Luc. Il dit, Jésus-Christ savait que son heure était arrivée. On dit, c'est choisi particulièrement, un événement particulier s'est passé. On dit qu'il mit le comble à son amour. Or, il avait dit précédemment qu'il n'y a pas le plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. C'est ça, non? Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. C'est ça, n'est-ce pas? Ok, voilà le plus grand amour. On dit qu'il mit le comble. Le comble, ça veut dire qu'il a encore ajouté quelque chose. On est d'accord? Voyons donc ce comble. Allons-y. Pendant le souper. Stop. Jean vient nous confirmer effectivement que quelque chose se passe. C'est au niveau de la nourriture. Donc, ça veut dire que de façon énorme dans la Bible, on parle de la nourriture. C'est ça, non? Et ce n'est que le soir, parce qu'on a dit ce souper, n'est-ce pas? Maintenant, il a utilisé le mot pendant. Il a utilisé le mot pendant. Donc, c'est au cours du déroulement. Pendant le souper. Allons-y. Lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, oui. Fils de Simon, oui. Le dessein de le livrer. Le dessein. Le dessein de le livrer. Mm-hmm. Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, oui. Qu'il était venu de Dieu, oui. Et qu'il s'en allait à Dieu, oui. S'est levé de table. Stoppons là-bas. Maintenant, vous allez relire votre Bible autrement. Maintenant. Vous avez vu tous les éléments qu'on a dit là-bas. Jésus-Christ savait que Judas avait, pendant que le Satan avait livré le contre, on va arrêter ça. On va arrêter. D'accord? Frère, suis-moi attentivement. Je vais te montrer, d'accord? Avec ton silhouette, permets-moi de te montrer ce que l'émission nous dit. Où est-ce que tu lisais? Okay. Donc nous sommes au verset 2. Suivez attentivement dans votre Bible, d'accord? Maintenant, regardez. Verset 2. Je mets comme ça un guillemet à partir du verset 2. D'accord? Dans le verset 2 jusqu'au la fin du verset 3. Donc comme ça. Comme ça. Donc, tu vois que, écoutez très bien ce que ça nous fait ici. J'ai mis le verset 2 et le verset 3. J'ai bloqué le verset 2 et le verset 3. On va lire le verset 1 et aller directement au verset 4 pour que vous compreniez ce que ça nous dit. Pourquoi on a parlé tout à l'heure de mis le comble à son amour, d'accord? Parce qu'on a été fait de montrer les événements là-bas. Allons-y encore. Verset 1. Okay. Avant la fête de Pâques. Oui. Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, oui. Et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, oui. Mit le comble à son amour pour eux. Verset 4 directement. Se leva de table. Donc quand il a mis le comble à son amour, quand on a dû expliquer, on va expliquer maintenant. On va expliquer maintenant le comble à son amour qu'on a dû dire, d'accord? Parce que c'est la suite du comble à son amour qui se trouve au verset 4 là-bas maintenant. Mis le comble à son amour, il s'est levé de table. Donc pendant qu'il était en train de manger, il s'est levé de la table. Allons-y. Ôta ses vêtements et prit un linge dont il s'est saigné. Il s'est saigné, oui. Donc il a attaché ses reins comme ça. Oui. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin. Oui. Et il s'est mis à laver les pieds des disciples. Stop. Donc vous voyez que dans Matthieu, dans Marc et dans Luc, on n'a pas parlé quoi que ce soit par rapport à... Donc, ils ont raconté pour eux sans tenir compte du fait que Jésus était élevé, prendre l'eau, saut. Il n'y a pas ça dans les autres, n'est-ce pas? C'est uniquement ici qu'on trouve le problème des serviettes, des seaux, de l'eau et les Jésus qui viennent de laver le seau, les pieds de ses disciples. On est d'accord? Et on a dit que c'était pendant le souper, n'est-ce pas? Mm-hmm. Aller essayer avec le linge dont il était saint. Oui. Il vint donc à Simon-Pierre. Et Pierre lui dit, toi Seigneur, tu ne me laves les pieds. Non, c'est pas ce qui est écrit. Hein, tu me laves les pieds. Voilà, c'est ce qui est écrit. Le frère dit le monsieur là. Jésus l'a répondu. Jésus lui répondit. Oui. Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant. Oui. Mais tu le comprendras bientôt. Oui. Pierre lui dit, non, jamais. Tu ne me laveras les pieds. Stop. Dites-moi un peu pourquoi le disciple Pierre ne voulait pas que le Seigneur Jésus lui lave les pieds. Dites-moi pourquoi. Parce qu'il savait que. Voilà, il savait que la personne qui est en train de venir vers lui est comment par rapport à lui. Il est plus grand. C'est pour ça qu'il refusait. Ok. Observez ceci. Jésus veut laver les pieds à Pierre. Pierre refuse. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais je veux quand même le dire. Je veux dire ceci. L'acte de laver les pieds, c'est la tâche la plus basse que quelqu'un peut faire. C'est-à-dire que c'est le métier le plus humiliant. C'est terrible comme humilité que le Seigneur peut montrer. L'acte de laver les pieds, c'est-à-dire que laver les pieds, c'est rabaisser. Souvenez-vous de Éphésiens, Philippiens chapitre 2. Non seulement, c'était déjà grave que Dieu vienne dans le règne humain. C'était déjà très grave. C'est rabaisser comme ça, c'était encore très grave. Il rabaisse au niveau des hommes, il se rabaisse encore davantage. C'est parce que pour te laver les pieds, il faut que je me baisse. Et tu dois être au-dessus de moi. Mais c'est le souverain de l'univers qui fait ça. C'est terrible. Et les pasteurs, aujourd'hui, on est comme ça là. Pas vrai? Sans aller dans la chose là-bas, qu'est-ce que Jésus voulait apprendre aux gens? L'humilité. L'humilité. Lui qui est plus grand s'est rabaissé. C'est ça, n'est-ce pas? Avançons ici. Jésus lui répondit, si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. Oui. Simon Pierre lui dit, Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. Donc le gars dit que si c'est comme ça, au lieu que tu me quittes, lave-moi tout une fois. Après il a dit que non, c'est même pas tout qu'il faut laver, tu es déjà pu, parce que celui qui est pu n'a besoin d'être laissé laver que les pieds, n'est-ce pas? Mais vous êtes pu, non pas tous. Oui, avançons. Jésus lui dit, celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes pu, mais non pas tous. Oui. Car il connaissait celui qui le livrait. C'est pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous purs. Après qu'il eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître et seigneur et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Stoppons là-bas. Il dit, vous m'appelez Seigneur et Maître, effectivement je le suis. Si donc moi qui suis Seigneur et Maître, je vous ai lavé les pieds, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. Est-ce un commandement, oui ou non? Est-ce que c'est un commandement? Alors dans ces cas, pourquoi donc on est désobéissant vis-à-vis du commandement du Seigneur? Oui frère. Oui, est-ce que, comme on venait de dire, que laver les pieds signifie que c'est rabaissé. Oui. Alors est-ce que dans ce qu'on vient de lire, ça signifie forcément qu'il faut laver les pieds? Absolument. Absolument. Absolument. Je vais aller dans le Nouveau Testament. On a dit que le jus du raisin symbolisait quoi? Ok, supposons que quelqu'un dit maintenant que, comme je sais d'ailleurs que c'est la droiture, je peux pratiquer la droiture sans plus besoin de boire le jus de raisin. Est-ce qu'il aura raison? Il dit, le jus de raisin qu'on met au niveau de Saint-Saint, ça symbolise quoi? La droiture. On a compris que c'est la droiture. Quelqu'un dit, ok, parce que le problème, c'est pour le problème de, Jésus voulait enseigner par le lavage des pieds qu'on pratique l'humilité. Par le jus de raisin aussi, c'était le symbole de la droiture. Mais on est censé marcher droit, pas vrai? Mais on doit aussi prendre le jus de... On doit savoir qu'on doit être humble les uns les... On doit laver quand même les... Donc prouve. Ok, dans le Nouveau Testament, il y en a. Prenons ça, 1 Timothée chapitre 5. Merci Père. Vous allez voir. Parce que si on va voir une pratique quelque part, d'accord? 1 Timothée chapitre 5. Rapidement, on lit ça rapidement, ça nous concerne. Je vais seulement montrer. Or, c'est ça qui a amené beaucoup de pasteurs ont fui cela. Ils ne veulent pas pratiquer cela parce qu'ils disent que non, c'était un parabole. Jésus a dit clairement, comme vous comprenez ce que vous avez dit, il dit que oui. Il dit que vous m'appelez Seigneur et Maître et c'est ce que je suis. Si moi qui suis le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous devez laver les pieds les uns les autres. C'est pas ça? Il n'a pas dit que vous devez comprendre ce que je suis en train de faire. Il dit vous devez vous laver les pieds les uns les autres. C'est ce qu'il a dit. C'est pas ça, mon cher frère. C'est ça. Voilà, mais voilà. Donc, tu as dans 1 Timothée chapitre 8, 5 là. 1 Timothée 5. Oui, lis-moi le verset 8 là. Oui. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, oui, et principalement de ceux de sa famille, oui, il a régné la foi. Oui. Et il est pire qu'un infidèle. Oui. Qu'une veuve, pour être inscrite sur le rôle, oui, n'ait pas moins de 60 ans. Oui. Qu'elle ait été femme d'un seul mari. Oui. Qu'elle soit recommandable par de bonnes œuvres. Oui. Ayant élevé des enfants. Oui. Exercé l'hospitalité. Oui. Laver les pieds des saints. Oui. Soulignez ça dans votre Bible. Donc c'était pratique. N'est-ce pas mon frère? On ne peut pas faire la fête si. C'était pratique. Mm-hmm. Parce que pour moi, oui, quand je lis ici, mm-hmm, je comprends plutôt dans le sens que il a servi les saints. C'est-à-dire, Non, on a dit ça là-bas. On a d'abord dit là-bas que ayant hospitalisé, oui, l'hospitalité et ayant pratiqué les bonnes œuvres. Oui. On dit laver le pied des saints, ça s'est passé. Jésus, par exemple, a dit. Pratique. Oui, ça s'est passé en pratique. Jésus avait dit, il est entré chez Simon. Une femme est entrée, lavant ses pieds avec les larmes. Le type l'a dit que si le type c'était prophète, il saurait que c'est une prostituée. Il a dit, Simon, je sais qu'il y a cette femme. Depuis que je suis entré dans ta maison, tu ne m'as pas lavé les pieds, tu ne m'as pas donné l'eau pour me laver les pieds. Mais depuis qu'elle est entrée, c'est censé faire ça. Parce que c'était une pratique. C'est parmi nous qui. Parmi les juifs, donc c'était une pratique. C'est à nous que ça dérange. C'était la tradition des juifs. Oui, c'était dans la tradition. Quand il écrit comme ça, observe ceci. Attends, donc, frère. Observe ceci. Remarque très bien que la lettre de Timothée, c'est à l'église. Frère. Il dit. Pour qu'une veuve, pour être inscrite à la charge, pour que quelqu'un soit considéré comme veuve de l'église, il faut qu'elle soit comme ça là. Or, l'apôtre Paul n'écrit pas comme ça aux juifs. Il écrit à Timothée. Et Timothée, c'est à l'église d'Éphèse. Éphèse, ce sont les Grecs. Vous comprenez cela? Donc, c'est pour dire que quoi? On ne peut pas dire que non, c'est seulement la tradition juive, parce qu'il y a des écrits comme ça à une église qui n'est même pas d'abord juive. On est d'accord? Donc, c'est une pratique de l'église. Parce qu'il n'y a pas les veuves seulement chez les juifs. Il dit, pour que, si quelqu'un est dans l'église, pour qu'on considère comme une veuve, première chose, 60 ans. Si elle n'a pas 60 ans, qu'elle passe mariée tranquillement parce qu'elle va nous déranger. Donc on a donné les conditions. Écoutons très bien. Il n'y a pas de sentiment ici. Si quelqu'un a une femme, si dans une assemblée comme ça, une femme perd son mari, on ne la considère pas comme veuve. Parce que c'est Dieu qui donne la définition du veuve. On se comprend. On a dit que si elle est veuve, si vous, et le temps de lire ça jusqu'à la fin. Si elle est jeune, qu'elle passe mariée. Mais à condition qu'elle soit dans l'océan, qu'elle soit dans le Seigneur. D'accord? Alors, on donne une liste de choses que les femmes doivent faire pour être considérées comme une vraie veuve de l'église. En fait, quand on dit pour qu'elles soient considérées comme veuve de l'église, ça suppose que c'est l'église qui doit prendre soin d'elle. C'est ce qu'on a voulu dire. Pour qu'on s'occupe d'elle. Donc, pour qu'une femme soit, qui a parlé de son mari, que l'église puisse prendre charge. Quand on parle de la charge, c'est la charge totale de ses besoins vitaux. Voilà la condition qu'elle doit respecter. Donc, voilà pourquoi nos soeurs, on doit leur donner cette occasion de faire grandir les enfants. Soit prompt à faire toutes les bonnes œuvres, au cas où si elle perdait son mari plus tard qu'elle se serait mariée, qu'elle soit conduite comme ça là. Ici, il n'y a pas de sentiment humain. Si une de ces choses-là, elle a lavé le pied des saints, elle a fait ceci, elle a 59 ans, 6 mois, on ne doit pas considérer. On va attendre que l'autre 6 mois arrive pour que ça soit 60 ans. Ne vous riez pas comme ça, ce n'est pas moi, c'est la Bible. Je ne sais pas pourquoi quand le Saint-Esprit a pris la plume, il a dit 60 ans. Alléluia. Quelqu'un dit sola scriptura. Sola scriptura. Mm-hmm. Donc, frère, c'était pour me démontrer que la pratique, que le lavage du pied, c'était pratique. Parce que le Seigneur dit que je suis le Seigneur et le Maître. Et vous dites je suis le Seigneur et le Maître et je suis. Si je vous ai lavé le pied, vous devez vous laver le pied. On est d'accord, n'est-ce pas? Donc, ce n'est pas une parabole, c'est un commandement. Amen. Amen. Mais tu voulais dire quelque chose? Oui, frère. Je voudrais qu'on observe la chose même depuis même Abraham. Oui. Avant que Dieu ne vienne se donner au monde entier, il avait d'abord demandé ça à Abraham. Abraham a fait. Absolument. Avant que Dieu ne vienne laver les pieds des hommes, Abraham a lavé ses pieds. Absolument. Dans Genèse chapitre 18, quand il est venu avec les deux anges, mm-hmm, il a porté l'eau pour laver les pieds, pas vrai? Non, c'était une pratique qui est là-bas. Que le Seigneur te bénisse. Maintenant, rentrons dans notre livre de Jean. Donc, j'ai pris 1 Timothée 5, c'est vraiment pour vous montrer qu'en fait, il y a même cette pratique-là dans la Bible, d'accord? Dans le Nouveau Testament. Mm-hmm. Avançons dans le 6 Jean, chapitre 13. Ok. Quand je vous ai donné un exemple, mm-hmm. afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Ah, je n'ai même pas encore vu l'autre verset là. Il dit, on va reprendre encore plus haut, rappelons encore plus haut avant de lire cela. Allons-y. Okay. Si donc je vous ai lavé les pieds, oui. moi le Seigneur et le Maître, oui. vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Oui. Car je vous ai donné un exemple. L'exemple de quoi? il dit afin que? Afin que vous fassiez comme je vous ai fait. C'est terrible. Il les a fait quoi? Il devait suivre quel exemple de Jésus en faisant quoi? Frère, c'est pas clair. C'est clair, n'est-ce pas? Voilà. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, lisons le verset 17 pour conclure. Si vous savez ces choses, oui. vous êtes heureux. À condition? Pourvu que vous les pratiquiez. Terminé. Fermons la Bible. C'est Jésus qui a conclu comme ça. Ok, tu connais que c'est la Sainte Seine, ça se passe avec la nourriture? Oui. C'est bon. Tu connais que ça avait le jus de raisin? Oui, c'est bon. Tu connais que ça avait le pain sans levain? Oui, c'est bon. Tu connais qu'il y a le seau d'eau avec les trucs pour laver les pieds? C'est bon. Pratique alors. Chacune, c'est un seul seau. Non, ne t'inquiète pas. On va mettre la vidéo, on va voir. Parce qu'il a dit qu'il avait les uns les autres. D'accord? Mm-hmm. Parce qu'il y a cette question-ci. Quand celui qui a des feux, celui qui a des feux, il va faire comment? Est-ce que chacun aura son seau? On va voir. D'accord? Mm-hmm. Oui, frère. Que signifie le repas? Le repas, en fait, que l'on mange pendant la Sainte-Seine. Avant le pain et le pain. C'est ça qu'on appelle le repas du Seigneur. La Bible définit ça comme étant le repas du Seigneur. On voit cela. Prenons la définition dans 1 Corinthiens chapitre 11, dans ce cas. Bon, en fait, je vais poser encore la question. Autrement. Hein? J'ai dit, pourquoi on a recommandé ça? Est-ce qu'il y a une préfiguration? Est-ce qu'il y a une explication à cela? Oui, voilà. Ça veut dire que c'est le repas familial. On appelle ça l'agapé. Le repas d'amour. Le repas qui maintient l'unité. C'est-à-dire que c'est particulier parce qu'on fait cela, on mange en famille, en signe de l'union qu'on a dans la famille de Christ. C'est pour cela. S'il n'y a pas ce repas-là, on appelle ça agapé. Agapé, ça veut dire l'amour. Le repas amour, d'accord? Ok, lisons Jude. C'est quand même curieux. Jude, allons dans Jude pour voir cela. Ouvrez Jude, puis 1 Corinthiens 11. Les femmes, que Dieu vous bénisse, d'accord? Le pasteur était assis tout à l'heure, il bougeait la tête comme ça quand il entendait des choses, il dit c'est grave. Que l'air est grave. Que c'est chaud. J'ai dit d'abord quel livre d'après? Jude, ok. Tout le monde y est. Ce n'est pas Juge. Jude. Donc c'est le livre qui est avant le dernier livre. D'accord? Avant Apocalypse. Il n'y a pas dit Juge. Donc ouvrez le dernier livre de la Bible. Et puis vous rentrez. Vous allez trouver le livre des Juges. De Jude. Vous y êtes, mes chers. Maman, regarde, le dernier livre de la Bible, c'est pas ici. Ça, c'est le premier livre. Elle est dans Genèse, elle cherche ça jusqu'à ce que ça parvient. Jude. Jude a un seul chapitre. Donc, j'ai dit à ses frères, c'est que la nourriture, là, c'est ce qu'on appelle en français l'agapé. D'accord? Agapé. Dans cet agapé-là, c'est la nourriture que les gens font. Nous allons lire dans Jude et nous allons comprendre que quelque chose se passait en milieu chrétien alors que les gens faisaient cela. Et c'est la même chose que l'apôtre Paul réitérait dans 1 Corinthiens 11, d'accord? Maintenant, lisons à partir du verset 1, frère, jusqu'à ce qu'on touche ce qu'on va trouver. Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, à ceux qui ont été appelés, qui sont aimés en Dieu le Père, et gardés pour Jésus-Christ, que la miséricorde, la paix et la charité vous soient multipliées. Mmh. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Arrêtons d'abord là-bas. Il dit que car il écrit cette lettre ici pour mettre en garde des chrétiens parce que parmi les chrétiens, quelque chose, des gens sont infiltrés. C'est ça, non? Ils sont glissés parmi vous. Gardez ceci à l'esprit. Parmi les chrétiens, alors que les chrétiens sont réunis, les gens se sont glissés. Après, avançons, frère. Des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution. Oui. Et qui réunit notre seul maître et Seigneur Jésus-Christ. Oui. Je veux vous rappeler à vous qui savez. Non, arrêtons, arrêtons ici parce que on a dit que ces personnes se sont glissées. Après, on va donner les caractéristiques qui va leur arriver. Il y a un endroit où il va dire que ce sont des écueils ainsi de suite. Les fontaines sans eau. Il veut que vous identifiez le verset là. Identifiez là où le verset se trouve. Là, il dit que ce sont des écueils ici. Vous avez identifié? Vous avez vu? Tu as l'identifié, frère? Non, je n'ai pas. Verset 12. Comment? Là où il y a la dame. Tu as vu ce verset combien? Donc maintenant, regardez bien. Comme il y a le verset 12. Maintenant, relis, regarde bien, frère, doucement. La partie où tu as dit, il s'est glissé parmi vous. Après, tu vas lire ça. Va directement au verset 12 pour comprendre. Allons-y. Verset 12 maintenant. Non, ne lis pas maintenant. Recommence encore le verset que tu as d'abord lu. On a dit que, car il s'est glissé parmi vous. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Voilà. Maintenant, va au verset 12. Si tu sais le verset fini. Verset 12, donc c'est la continuation maintenant. Ce sont des écueils dans vos agapes. Donc, ces personnes qui se sont glissées parmi eux, ce sont des écueils dans les agapes. Vous avez vu, n'est-ce pas? Faisant bonne chair, impudemment, bonne chair, se répaissant eux-mêmes. Se répaissant eux-mêmes. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc, ce sont les gens qui sont au milieu des chrétiens. Et ce qu'ils voulaient montrer, c'est que... On a démontré que lors des agapés chrétiens, certaines personnes sont au milieu qui ne sont pas chrétiens, alors que c'est un danger public. C'est parce que tu m'as posé la question que la nourriture, c'est quoi? Il dit c'est l'agapé. Les agapes, l'agape dont on parle là-bas, c'est la nourriture chrétienne. La nourriture, quand on se réunissait là-bas, c'était impie, arrivé là-bas, ils mangeaient. Ils ne savaient pas que c'est la condamnation qui s'était mangé. C'est pour ça que c'est la même chose que l'apôtre Pierre, Paul parle dans 1 Corinthiens 11. D'accord, verset 23 à 33 dont j'ai parlé. Dans l'agape, et si vous regardez très bien, si vous lisez Apocalypse, on dit que c'est le repas, le souper de la noce de l'agneau. D'accord? On va manger ça à la table là-bas, la nourriture. Je ne sais pas s'il y a le condré, ou il y a le bongo là-bas, je ne sais pas. Il y aura la nourriture. D'accord, mon frère? Voilà. Fermons la Bible alors. Donc, prenez le temps donc de lire 1 Corinthiens 11. Donc, on a donné ça la dernière fois, tout à l'heure là. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 23 à 33. Mais n'avait dit quelque chose dans ce 1 Corinthiens 11, verset 23, parce qu'il y avait, il y a des questions que lorsqu'on lit, certainement ça s'élève. Et beaucoup de personnes m'ont posé également ça. Je préfère répondre directement pour que quand vous allez lire, que ça ne cause pas de problème. Ou mieux, si vous voulez, on parle cela et puis on voit qu'il y a les questions, effectivement. Vous proposez, on lit, n'est-ce pas? Hein? On lit, oui, je dis ce que je vais dire directement, oui. Sachant que vous allez lire là-bas. Ok, maintenant, si vous lisez 1 Corinthiens chapitre 11, de verset 23 à 27, à 33, l'apôtre Paul est en train de fustiger la façon que les gens se réunissaient devant la table du Seigneur, parce qu'il y avait certains désordres là-bas. Depuis le... don spirituel, péché à l'intérieur, les gens ne comprenaient pas effectivement que c'est la pureté qu'il fallait. D'accord? Alors, les gens se réunissaient. La Bible, il va dire d'abord que, car pendant qu'on mange, lorsqu'on est à table, pendant que d'autres mangent leur propre repas, alors que d'autres ont faim. Lisons cela pour que vous voyez, parce qu'il y a un autre élément à arriver, pour qu'on voit cela. D'accord? Lisons 1 Corinthiens chapitre 11. 1 Corinthiens chapitre 11. Lisons à partir du verset 23 et suivant. Tu y es, frère? Lisons. Frère, tu es là-bas? Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit. Ouais, que c'est l'apôtre Paul qui est en train d'expliquer ici. Et nous savons très bien que la nuit où Jésus a été tué, il n'était pas présent. N'est-ce pas? Ça montre que le même enseignement que Jésus a donné à ses disciples ce soir-là, il leur a aussi dit la même chose longtemps après sa résurrection et son allée au ciel, n'est-ce pas? Son ascension. On est d'accord, n'est-ce pas? Parce qu'il dit clairement ici qu'il a reçu ce qu'il est en train d'enseigner. Il a reçu ça de qui? Ce n'est pas Pierre et les autres qui lui ont expliqué ce qui s'est passé le soir-là. Donc ça veut dire que Jésus-Christ, comme il a dit faire le soir physiquement, étant monté au ciel, plus tard, longtemps après, il a dit la même chose à Pierre, à quoi? À Paul, montrant que les événements qui s'est passé, Jésus s'attend à ce que ça se passe comme ça. Vous vous souvenez, dès le départ, il avait dit que s'il y a une façon de le faire, c'est Dieu qui va nous le dire. Donc s'il n'était pas important pour Dieu, pourquoi le dirait la même chose aussi à l'apôtre Paul? Pour que tous tiennent un même langage. D'accord? Avançons. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Alors, quand vous voyez, l'apôtre Paul est en train de dire que le soir où il fut livré, prit du pain. On a l'impression que l'apôtre Paul ne parle même pas de nourriture. On a l'impression qu'il est en train de se fixer sur seulement l'élément pain et vin. Avançons. faites ceci à mémoire de moi. Uh-huh. De même, après avoir soupé... Stop, maintenant il introduit directement ça, vous avez vu, n'est-ce pas? Donc l'apôtre Paul vient confirmer effectivement ici là qu'il y avait effectivement la nourriture et c'est que après avoir soupé, quelque chose va se passer. Après avoir soupé, il prit la coupe. Stop. Il vient de confirmer là effectivement l'ordre des passages. Vous avez vu, n'est-ce pas? De même après avoir soupé. Donc la coupe est prise après quel moment? Après le souper. D'accord? Et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Oui. Toutes les fois que vous en boirez. Oui. Car toutes les fois que vous mangez ce pain, oui, et que vous buvez cette coupe, oui, vous annoncez la mort du Seigneur, oui, jusqu'à ce qu'il vienne. Oui. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Oui. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Oui. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Oui. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades. Oui. Et qu'un grand nombre sont morts. Oui. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais lorsque nous sommes jugés... Mais quand nous sommes jugés, oui, nous sommes châtiés par le Seigneur. Par le Seigneur. Afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Amen. Où est-ce que l'apôtre Paul a dit, n'est-ce pas? Maintenant, lisons à partir du verset 20 maintenant, le 20 maintenant, et on s'arrête au verset 23. Lisons ce qu'il va dire. Verset 20. Mm-hmm. Lorsque donc que vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur. Stop. Vous avez la raison qu'il a dit. Il dit, lorsque donc que vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger pour le repas du Seigneur. Frère, venons, commence à poser verset 18. Avant d'arriver là-bas, allons-y, 18. Et d'abord, j'apprends que... Écoutez bien. Lorsque vous vous réunissez, oui, en assemblée, oui, il y a parmi vous des divisions. Mais c'est quand même curieux cette église-ci là. C'est-à-dire qu'on est réunis comme ça là, dans le cœur, on est assis comme ça. Quelqu'un dit que celui-là je ne l'aime pas. Moi, celui-là c'est un babéléké. L'autre ici non, je suis Bamoun. L'autre ici dans la même assemblée. Il dit que d'ailleurs, j'apprends que lorsque vous réunissez en assemblée, il y a des divisions parmi vous. Il dit le suivant. Allons-y. J'apprends lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions, oui, et je le crois en partie, oui, car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous. Donc c'est une prophétie, je te mets dans une prophétie. Vous voyez, n'est-ce pas? Mm-hmm. Afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Oui. Lorsque donc vous vous réunissez, oui, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur. Oui. Car quand on se met à table, oui, chacun commence par prendre son propre repas. Stop. L'apôtre Paul nous explique quelque chose ici dans ce qui s'est passé dans l'église primitive. On ne peut pas aller inventer quelque chose. L'apôtre Paul nous explique que quand les chrétiens se réunissaient, chacun apportait un repas. Parce qu'il fallait, qu'on résolve le problème de la nourriture, d'où la nourriture sort. L'apôtre Paul vient nous donner la révélation maintenant. Ça veut dire que chaque chrétien, comme par exemple maintenant, nous tous, nous habitons, vous êtes venus nombreuses et nombreux, vous ne sortez pas de la même maison. Quelqu'un habite quelque part. Vous avez fixé un jour, par exemple, pour la scène. Ça va être tel jour. Telle famille en venant peut-être apporte le riz au tomate. On met sur la table. L'autre famille apporte l'ondolet. On met sur la table. L'autre apporte du mbongo. On met sur la table. Voilà le repas du Seigneur, l'agapé. Alors maintenant, qu'est-ce que les Corinthiens faisaient? Le frère et sa femme vont au marché acheter la viande. Il dit que ça ne se passe pas. C'est un exemple qu'on comprend, d'accord, frère? Il achète sa viande avec le poisson. Ils font frou, ils viennent faire mettre à la table. L'autre frère, s'il vient avec sa fiancée, il met le viande là-bas, il mange. Bon, celui-ci a apporté quoi? Peut-être le ndolé. Celui-ci vient avec le mbongo et sa soeur là-bas. Alors chacun met son repas devant soi. Sans attendre quelqu'un, chacun commence à venir. Donc le frère s'en est de manger sa part, l'autre en est de manger sa part, l'autre en est de manger sa part. Il n'avait pas compris ce qu'on appelle l'agapé. C'est pour ça que l'apôtre en est décrit. Donc il dit que lorsqu'on vous réunissez, c'est pas pour manger le repas du Seigneur finalement. Parce qu'on dit que lorsqu'on se met à table, chacun commence à prendre son propre repas, donc le repas qu'il a apporté, il commence à manger. Après, ce n'est pas pour dire que tout le monde doit apporter le repas, parce que c'est que chacun apporte le repas comme il pourra apporter. Au milieu chrétien, il y a des gens qui n'ont pas le repas. Or, on devrait mettre à table maintenant, chacun prend le plat et se sert. Et même celui qui n'a pas apporté le repas, doit aussi manger. Lisons, continuons pour vous comprendre bien la chose. Car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas. Et l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. Voilà, c'est ici au niveau des ivres que je voulais expliquer, parce qu'il y a un problème. Est-ce que vous comprenez? Regardez, on dit tandis que l'autre a faim, alors que l'autre est ivre. Donc, ils ne connaissaient même pas ce que c'est que la table du Seigneur. La fête solennelle du Seigneur. Il continuait toujours à vivre dans l'ivresse. Un frère avait lu ces choses, il m'a dit que voici la preuve que ce qui est à table, c'est le vin qu'on pouvait boire qui avait l'alcool. C'était moi. Ah, c'était toi. J'ai ri jusqu'à ce qu'il voulait tomber. J'ai dit que ok, si c'est le vin qu'on boit à la table jusqu'à ce qu'on voulait, on n'a pas dit qu'il a bu là-bas jusqu'à ce qu'il est tombé. On a dit qu'il est ivre. Quand on dit qu'il est venu à la réunion étant ivre. Parce que même si tu mets n'importe quelle quantité de vin, on célébrait la scène qu'avec toute la brasserie pour que les gens soient ivres là-bas. Est-ce que vous me comprenez? C'est-à-dire que si on dit que quelqu'un est ivre et on dit que non, il est ivre à cause de ce qu'on a en train de boire là-bas, c'est parce qu'on voulait prendre ça pour me dire que ce qu'on boit là-bas contient de l'alcool. Et on dit que quelqu'un est à table, l'autre est faim, l'autre est ivre. J'ai aussi posé la question, ok, celui qui avait faim là-bas, il avait faim là-bas ou bien il avait faim depuis la maison. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'on a dit que l'autre est à table en mangeant son repas, alors que l'autre a faim, tandis que l'autre est ivre. On a dit seulement les différents dérives qu'il y avait là-bas. L'ivresse. L'autre est trop plein, ça de la gourmandise, le désordre, d'accord. Alors quelqu'un prend ça parce qu'on a dit que ivre, on dit que non, c'est sûr que c'était le jus de raisin, le vin qui était là. C'est pour montrer que ce qui est à table contient de l'alcool. Or l'apôtre Paul a dit plein, il a dit de dénoncer l'ivresse, que quelqu'un puisse venir là-bas avec cet état-là, à la table du Seigneur, d'accord. Alors l'autre chose qu'on a de voir ici, c'est que les chrétiens apportaient la nourriture, on est d'accord. L'autre chose qu'on a de voir maintenant, c'est que les chrétiens devaient vivre dans la sainteté pour participer là-bas, n'est-ce pas? Parce que là-bas, en bas, il a dit que c'est pour ça que beaucoup parmi vous sont morts. Donc beaucoup de personnes sont mortes et personne ne connaissait pourquoi les gens mouraient. Parce qu'ils étaient se présentaient dans la table du Seigneur sans connaître pourquoi. Ça veut donc dire que quoi? La chose est tellement sacrée pour Dieu, pour détruire la sainteté, qu'il ne faut pas qu'on s'approche n'importe comment. D'où la nécessité que les chrétiens vivent dans la sainteté. Donc ne soyez pas surpris que vous commencez à faire. Vous pouvez boire chez Satan là-bas, dehors, là-bas, rien ne vous arrive. Ne soyez pas surpris que vous faites comme ça, comme Dieu veut. Quelqu'un fait boire, il fait bang, il meurt. Vous avez assez de terrain ici, ça fait que vous enterrez la personne derrière là-bas, vous continuez. D'accord? Et si quelqu'un boit comme ça, il meurt ici. Ne pleurez pas. Sortez là-bas, vous prenez trois personnes, on creuse là-bas, on l'enterre, vous continuez votre scène. C'est la Bible ça. C'est pas ça, papa? Papa me regarde comme ça. Papa me regarde comme ça là. Vous savez, c'est ça la Bible. Les gens doivent être sérieux avec Dieu. L'apôtre Paul écrit ceci pour régler les choses, pour mettre les choses en ordre. Or, l'apôtre Paul est dans une ville, il a écrit aux Corinthiens. Qui a dit à l'apôtre pour que les gens soient bons à Corinth ou que les gens ont été handicapés là-bas? Ça veut dire que le Seigneur lui a révélé qu'en fait, remets-les en ordre parce que telle personne est handicapée, les gens sont morts comme ça, qui étaient morts comme ça, c'est à cause du fait qu'ils ont mal approché de ma table. D'accord? Ça montre que Dieu prend à cœur cet événement-ci vraiment. Parce qu'en fait, c'est la seule fête de communion et de commémoration. Parce qu'il a dit que chaque fois que vous allez annoncer, faites cela, vous annoncez la mort et la résurrection du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. D'accord? Or, Satan, son rôle, c'est de faire disparaître le principe de la mort de Jésus-Christ pour sauver l'humanité. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc, c'est un endroit, c'est un temps solennel pour Dieu. On se comprend? Donc, un, si quelqu'un vit dans le mensonge, ne tentez pas de venir à la table pour manger. Si quelqu'un vit dans le péché, ne tentez pas. Je ne dis pas que, parce que les gens disent que non, on va célébrer la semaine dernière. Sanctifiez-vous. Ça veut dire que tu finis de te sanctifier, tu veux manger, après tu vas te désanctifier. Dis à ton voisin, marchons dans la sainteté. Est-ce que vous saisissez? C'est juste ça, dit qu'on est rentré à l'église primitive. L'église primitive, elle est morte. On est d'accord? Voilà. Anan et Saphira, quand ils sont venus, l'homme est venu avec son argent. Ils ont vendu un champ là-bas, 8 millions peut-être. Il a dit que mince, les pauvres chrétiens là, ils vendent 8 millions, ils donnent qu'ils ont fabriqué quoi? Ils ont pris 2 millions que car. Il a dit à sa femme que maman, c'est grave parce que les chrétiens les chassent partout chaque fois. Gardons quelque chose pour que si c'est fort, on a notre argent. Maman dit, tu as compris? Il dit, oui, maman, oui. Ils ont pris 2 millions, venez. Pierre, le Saint-Esprit était là. Regardez tout ça, je vais vous dire quelque chose que vous savez ici. Quand un homme est envoyé de Dieu, il faut faire attention. Alors il se tenait debout. Certainement, il causait avec Pierre chaque jour. Il entendait la même voix. À cet instant-là, il était avec sa femme à la maison en train de parler. Pierre n'était pas là. Mais il arrive à l'assemblée. Pierre lui demande, est-ce à ce prix-ci que tu as vendu? Est-ce à ce prix, comme tu as présenté cet argent-ci? Est-ce à ce prix-ci que tu as vendu le champ? Il devait comprendre que c'est une autre personne qui allait parler en dehors de Pierre. Il avait entendu la même voix, le même son. Mais il ne savait pas que c'était Dieu qui était en train de parler. Il a dit que oui. Pierre a encore dit, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point où tu mentes au Saint-Esprit? Il devait savoir, à cet instant, c'était un être humain normal, il devait se prosterner, demander pardon. Parce qu'il était là avec sa femme, personne n'a vu, personne n'était là, un être humain commence à lui dire exactement ce qui s'est passé. Il devait savoir que c'est Dieu qui a nous parlé. Pendant que Pierre parlait, boum, il est mort. Quand il est mort, Pierre a dit que venez l'enterrer. On a parlé en annonçant sa famille que David est décès. qu'un de nos membres a perdu un membre cher, que l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que son nom soit glorifié. Que j'ai combattu le bon combat, comme on fait sur les feuilles de deuil là. D'accord? On allait l'enterrer. Sa femme ne sachant pas, donc on n'a même pas informé sa femme que son mari est mort. Elle est rentrée à la réunion avec le Kaba comme ça. Hé, allons prier. En train de dire que Madame Ananias, bonsoir, aïe, bonsoir. Elle ne sait pas que son mari a été enterré. Vous avez vendu le chat à combien? 2 millions. 2 millions, hein? Pourquoi Satan a-t-il rempli au cœur, au point où vous manquez à Dieu? Boum! On dit, voici ceux qui ont enterré ton mari sont à la porte. Et pendant qu'il parlait, il était en train de rentrer. On a creusé sa bière. Pendant qu'on parlait, elle a expié. On allait enterrer à côté de son mari. Jésus s'en est dit que faisons attention à retourner à l'église primitive. Ne crois pas seulement qu'on retourne seulement dans la parole. Ça veut dire que tout ce qui est arrivé, si le même esprit, souvenez-vous de ce qu'on a dit, Ecclésiaste 3:15. S'il y a eu quelque chose dans le passé, forcément ça doit revenir. Pas vrai? Donc dis à ton voisin, vérifie que ce ne soit pas toi, Ananias. Si tu es une femme, dis à ta femme, à voisin, que ne sois pas sa fille. On est d'accord, n'est-ce pas? Voilà. Or, c'est dans le Nouveau Testament, ça, dans la période de la grâce et de l'amour, le Dieu amour a frappé. Est-ce que c'est ici? Donc, c'est pour dire quoi? Que la façon dont ça approche, soyons sérieux. Quand on dit soyons sérieux, ce n'est pas pour dire que tu portes le blanc, blanc, tu fais comme ça. Je suis sérieux. Même Marie n'est pas sérieuse comme moi. C'est pas ça. Ça suppose que la vie est une vie de pleine relation avec le Seigneur. On n'est pas chrétien seulement quand on vient en assemblée comme ça. La chrétienté, je l'ai dit depuis les jours que je suis ici, là, que la chrétienté, c'est une vie pratique. C'est-à-dire que quand je suis à l'assemblée, quand je dis quelque chose, je dis la vérité. Au quartier, je manque comme si c'était, je respire. Est-ce que c'est ici? Il dit que c'est à cause de ces choses-là qu'il y a beaucoup de handicapés parmi vous et que plusieurs sont morts. Parce qu'ils sont venus devant la table de Dieu manger sans discerner. Vous savez, n'est-ce pas? Deuxième chose, si cette sœur qui prépare le ndolé, elle quitte de chez elle à ici, quand elle franchit la porte là, quand elle est dehors, c'est encore son dos. Si elle avance, on dépose sur la table, ce n'est plus son dos. C'est n'est-ce pas? Parce que la table, c'est la table du Seigneur. La nourriture qui est là-bas, c'est la nourriture, le repas du Seigneur. Donc, il ne faut pas qu'elle reste derrière maintenant. Le garçon là va servir, il dit que, mais elle mange tout mon dolé. Que non, il sait tout mon dolé. Si elle ne peut pas manger mon dolé, ce n'est plus pour elle. D'accord? C'est pour ça que les gens, c'est dans ces jus-ci, venaient pour épier, ils entraient dans les agapes pour souiller l'agapé. Parce que c'est le moment de l'extrême communion, de l'amour, de la réjouissance. Parce que c'est, en fait, c'est une fête. Pour montrer que nous sommes de ceux qui avons fait alliance avec le Seigneur Jésus-Christ et nous attendons qu'il vienne pour nous chercher. Et il vient chercher donc les gens qui sont sans tâche ni ride. Amen. Y a-t-il des questions, frère? Je voudrais que tu touches aussi un Corinthiens 10 pour corriger le problème de ceci et mon corps et autre chose. Laissons-la jusqu'à ce niveau-là. Laissons-la jusqu'à ce niveau-là. Enfin, donne-le un Corinthiens 10, donne-le un Corinthiens 10, vous allez regarder. Quelques questions? Frère, juste ici, ça va déjà. La plus grande chose, le nerf de la guerre, c'est au niveau des poleries. Jus du raisin, vin, c'est ça. Il dit dans toutes les assemblées. Oui, papa. La fréquence, voilà, la fréquence. Ok, la fréquence, voici encore notre nerf de la guerre. Rentrons dans l'image, d'accord? Dans l'ombre. Et parce qu'on a vu que ce qui s'est passé ici, il y a une image, d'accord? Combien de fois les Juifs devaient célébrer-ils la Pâque? Il dit dans l'Ancien Testament. C'était ordonné qu'il se fasse combien de fois? C'est terrible. Il recommence, n'est-ce pas? Sur l'Ancien Alliance, dans Exode 12, là, Dieu avait ordonné qu'on fasse combien de fois? Lisons alors. Vous êtes sûr? Dieu avait donné la période exacte et le jour exact, n'est-ce pas? Il avait dit le 14 Nissan. Nissan, c'est le mois juif, le premier mois juif. On est d'accord, non? C'est ça qui tombe entre mars et avril. Donc, chaque fois, la Pâque qu'on se lève, la Pâque du Seigneur tombe entre mars et avril. Et c'est donc, pour répondre à la question directement, la fréquence, c'est une fois par an. Le père me regarde comme ça, là. Hein? La fréquence, c'est une fois par an. Je viens parce que je sais de quoi les questions. Quand il a dit que tu as toutes les fois que vous en mangerez. D'accord? Donc c'est une fois par an parce que Christ est mort combien de fois? Une fois, c'est aussi ça devrait régler le problème là. Ça sans aucune autre forme de procès. Parce que ça se célèbre à une même période. L'heure étant venue, le moment étant venu, jusqu'à après telle chose. D'accord? Donc lisons dans l'Ancien Testament pour voir exactement comment Dieu va inciter chaque fois. Donne un peu un moment. Bien, prends là-bas, non, juste ceci. Voilà. Exode. Exode le chapitre 12. Notons aussi le chapitre 13 parce que. Vous êtes à Exode. Exode chapitre 12. Si vous êtes là, vous me dites, je vais lire. Je vous donne les versets. Observez. Je ne sais pas si vous avez. Pour ceux qui ont les titres dans leur Bible, à partir de, au-dessus du verset 43, à partir du verset 43, il y a un titre. Vous avez un titre à l'intérieur. Quelqu'un a un titre. Il dit Exode chapitre 12, n'est-ce pas? Exode chapitre 12. Exode, c'est pas la bonne moment. Exode, c'est le deuxième livre de la Bible. Exode chapitre 12. Je ne sais pas si au-dessus de votre verset 43, vous avez le titre. Verset 43. Vous n'avez pas le titre? Comment? Ok, verset 37. Qu'est-ce qu'on a dit là-bas comme titre? Départ d'Égypte. Oui, départ d'Égypte. Enfin, c'est chez moi ici, c'est ordonnance sur la Pâque. Donc, à partir du verset 43, on parle des ordonnances relatives à la Pâque. Je vais lire. Suivez dans votre Bible le verset 43. Regardez. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, voici une ordonnance au sujet de la Pâque. Deux points. Quelle est cette ordonnance? Aucun étranger n'a mangé. Voilà. Donc, on va appliquer ça au Nouveau Testament. On dit, aucun étranger n'a mangé. Mangera. Donc dans l'ancienne alliance, les étrangers ne mangeaient pas. Dans la nouvelle alliance, aucune personne qui n'est pas chrétienne ne doit manger. Vous cessez, n'est-ce pas? Parce qu'on mange comme ça pour commémorer, pour montrer qu'on fait alliance avec le Seigneur. Vous cessez, n'est-ce pas? Donc ici, les gens qui ne sont pas chrétiens ne doivent pas le faire. Alors maintenant, pendant qu'on lisait tout à l'heure, cet enfant-là, tout à l'heure qu'on lisait 1 Corinthiens 11, là, si tu continues à lecture, il y a un endroit où il a dit que faire donc, lorsque vous réunissez, attendez-vous les uns les autres. Il dit bien, quand on se réunit pour la parole, il dit attendez-vous les uns les autres. Donc, les gens qui étaient là se connaissaient. Parce qu'il ne faut pas que les gens sachent que ces jours, si vous allez vous réunir pour manger la nourriture, comment c'est la nourriture, les gens viennent et chacun vient manger n'importe comment. Donc, si quelqu'un vient au milieu de vous et qu'il n'est pas un croyant, écoutez très bien. Et que c'est lors du moment de la commémoration, dis-lui que s'il te plaît, excuse-nous. Nous sommes en famille, nous voulons faire les choses. Même s'il sort, il n'a pas dit que vous êtes chiche, il n'y a pas de problème. Est-ce que vous savez? Vous me suivez, n'est-ce pas? Parce qu'on dit ici qu'aucun étranger n'en mangera. D'accord? Voilà la première prescription. Deuxième prescription. Tu circonciseras tout esclave à qui a pris d'argent, alors il en mangera. Donc, vous savez que la circoncision était le signe de la conversion, n'est-ce pas? Donc, la seule possibilité, pour que aussi, même si vous avez les amis, pour qu'ils puissent y participer, il faut qu'ils soient nés de nous, nouveau. Il dit dans la nouvelle alliance. Vous me suivez? Ok. Troisième verset 45 et 46. L'habitant et le mercenaire n'en mangeront point. Maintenant, regardez le verset 46. On ne la mangera que dans les... Vous avez vu ça? Ce n'est que là-bas, c'est la prescription là-bas. C'est Dieu qui en a dit. Pourtant, il devait avoir le temple. Il a dit qu'ici, on ne fait pas ça dans le temple. C'est dans les maisons. Il dit, c'est passé une ordonnance au sujet de la Pâque. Donc, Dieu a ordonné que voici comment ça va se passer. Or, celui qui institue, donc celui qui doit nous dire comment ça doit se passer. Oh, vous y êtes? Ok. Regardez mes verset 46, 48. Si... Non, verset 47, d'abord, il y a un autre truc. Toute l'assemblée d'Israël fera la Pâque. Donc, si tu es dans Israël, tu dois faire la Pâque. Si tu es chrétien, tu vas célébrer. Parce que Jésus a dit que faites ceci en mémoire de moi. Maintenant, verset 48. Si un étranger, en séjour chez toi, veut faire la Pâque de l'Éternel, tout mal de sa maison devra être circoncis. Alors, il s'approchera pour la faire. Et il sera comme l'indigène. Mais, aucun incirconcis ne mangera. On est d'accord? Donc, ici, il n'y a pas de sentiment que non, c'est mon voisin. Comme il est venu chez moi à cette heure, si on peut profiter plus de la nourriture. Vous en êtes là, tuer ces personnes-ci et détruire l'assemblée sans vous en rendre compte. On se comprend? Donc soyez rigoureux. Maintenant, regardez. Chapitre 13 maintenant. Allons au chapitre 13 parce qu'on voulait voir par rapport à la fréquence. D'accord? C'est la question qui a été posée avant qu'on nous soyons allés ici. Chapitre 13. On y va? Vous êtes au chapitre 13? Le chapitre 13 est toujours après le chapitre 12, non? Chapitre 13, je vais lire seulement le verset 10. Écoutez bien. Verset 10 du chapitre 13. J'espère que vous en avez noté. Regardez. Chapitre 13, verset 10. Tu observeras cette ordonnance. Souvenez-vous, il a parlé au verset 43 de chapitre 12. Il dit que voici une ordonnance au sujet de la Pâque. Vous y êtes? Au chapitre 12, verset 43, il a dit, l'Éternel dit à Moïse, à Aaron, voici une ordonnance au sujet de la Pâque. C'est pas ça? Chapitre 13, verset 12, verset 10, il dit, tu observeras cette ordonnance toutes les années. chaque jour, chaque semaine. Vous avez vu dans votre version, c'est ça? Je vais encore relire. Chapitre 13, verset 10 dit, tu observeras cette ordonnance chaque fois que tu veux. Donc, vous voyez très bien que c'est un problème. Chez les catholiques, c'est chaque dimanche qu'ils font. D'autres disent que non, c'est trois fois par mois. L'autre dit que chaque fin de mois, nous devons nous saindre saint. L'autre dit que le simple fait que les gens font une chose, l'autre fait une autre chose, montre qu'il y a un problème. Parce qu'il a dit que tenez tous un même langage. Maintenant, s'il y a confusion comme ça, la seule et unique façon de faire, c'est de regarder la Bible. Et si on regarde la Bible, on ne peut même pas voir, rentrer dans l'ombre pour voir. Mais voici, si vous regardez, si vous êtes dans le miroir, vous levez la main droite. Dans le miroir, votre main gauche se lève. Vous devez fuir. Est-ce que vous me comprenez? Si vous êtes en face du miroir, vous levez vos pieds comme ça là. Et que dans le miroir, vous voyez que c'est votre main qui est debout. Qu'est-ce que vous allez faire? Fuir. Vous allez dire qu'il y a la sorcellerie, non? Ce n'est pas vous. C'est pas vous. C'est pour dire quoi? Si vous regardez dans l'ombre, vous devez voir quelque chose dans l'image qui va voir coller. C'est ce qu'il veut essayer de dire. Alors, voici l'image de la Pâque qu'on est en train de voir ici. On dit que le temps de cette célébration-là, c'est comment? D'année en année. Ok. Quelqu'un dit qu'il est en train de célébrer la Pâque dans le Nouveau Testament. Il est en train de faire chaque dimanche. Il fait ça par rapport à quoi? Celui qui va dire que c'est chaque mois que nous faisons pour nous, une fois par mois, il fait par rapport à quoi? Qu'est-ce que ça va là-bas? Donc si quelqu'un fait dimanche, chaque dimanche, et la Bible déclare que c'est d'année en année, c'est exactement comme quelqu'un qui est dans, il colle l'image et le miroir, il lève la main, le pied qui se lève. C'est ça, n'est-ce pas? Donc, l'image dit quoi? L'ombre dit quoi? Tu observeras cette ordonnance au temps fixé. Donc il y a un temps vraiment fixé par rapport à cela. Quand on dit le temps est fixé, ça dit quoi? Ça dit que c'est régulier. Donc on peut identifier. Il dit d'année en année. Alléluia. Voilà. Donc je crois que toutes les questions concernant la Pâque a été répondues. Donc d'année en année. Oui, oui. Bon, mais maintenant il y a une confusion entre les mois puisque... Il n'y a pas de confusion. Notre calendrier. Oui. C'est là, maintenant, je suis enseignant de la parole de Dieu. C'est mon devoir maintenant de vous dire comment ça se passe donc. En fait, je parle de... Calendrier juif par rapport à notre calendrier. Confusion à bon niveau. Ah oui, c'est ça que je veux dire. Calendrier juif. Et romain. C'est pour ça que je suis là pour dire ces choses. Parce qu'on a toujours fait, on ne connaît pas, on a toujours fait. Quand on a dit réforme de toutes choses, c'est réforme de toutes choses. Permettez-moi avant de répondre au problème. Quand tu dis à quelqu'un le 1er janvier, quand tu sors le matin, tu viens dire quoi, papa? Bonne année. Dieu ne connaît pas ça. Dieu ne connaît pas votre bonne année du 1er janvier. Parce que 1 janvier, ça veut dire Janus. C'est le dieu des portes romains. Donc le démon, c'est un démon. C'est leur nom qu'ils ont mis là-bas. Dieu lui... Ouvre encore cet exode. C'est exode qui nous donne la définition. Donc on va voir le calendrier. Exode. Allons rentrer dans exode. Ah, n'est-ce pas? On a dit que toute question biblique a une réponse biblique. Janus, c'est le dieu des portes, dieu des commencements. Les démons du commencement qu'on leur donne. On est Janus. D'accord? Allons-y au chapitre 12. Exode. Donc maintenant, quelqu'un peut dire n'importe quoi maintenant. Tu y es. Maintenant, regarde, chapitre 12, je vais lire avec versets 1 et 2. Regardez bien, pour qu'on voit le premier mois de l'année pour Dieu. Souvenons-nous, c'est Dieu qui a créé le temps et les saisons, n'est-ce pas? Regardons ce qu'il dit, chapitre 12 de Exode, versets 1 et 2. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de là. Dieu vient de définir son calendrier. Dieu vient de définir son calendrier. Donc, Dieu dit que le premier mois de l'année pour son peuple, c'est ce mois que les Juifs sont sortis de l'Égypte. Voici le calendrier de Dieu. Maintenant, si c'est le calendrier de Dieu, qu'est-ce que ça veut dire chez les Juifs? Donc, c'est pour ça que maintenant, je vais faire la correspondance entre les Juifs et le calendrier juif. Parce que c'est en réalité, si les Romains n'étaient pas entrés en scène, on ne serait pas troublés comme ça. On est d'accord, n'est-ce pas? Mais le problème maintenant, c'est que voici votre calendrier. Voilà 12 mois, janvier, février, jusqu'en décembre. Si Dieu veut donner son programme, ce n'est pas d'après ce calendrier, c'est d'après le calendrier juif. Sur cette terre-ci, il faut qu'on soit clair. C'est, n'est-ce pas? Voilà. Ok. Regardez. Dieu dit que ce mois-ci, donc il faut qu'on identifie ce mois qu'il appelle premier mois. D'accord? Ce mois-ci sera appelé pour vous le premier mois. Le mois-là est appelé le mois d'Abib ou bien le mois de Nissan. C'est, n'est-ce pas? Il dit ce mois-ci. c'est moi, la période que vous sortez de l'Égypte comme ça là, voilà le premier mois. D'accord? Dieu vient de donner le calendrier sur la terre. Quand il donne le calendrier sur la terre, après c'est là, il va dire donc que le 14e jour de ce mois, le mois d'Abib, vous allez immoler la Pâque. Donc c'est le 14 Nissan. Ok, donc le mois d'Abib ou bien le mois de Nissan correspond dans notre calendrier. Vous pouvez mettre que j'enlève ce calendrier. Ou bien, non, c'est mieux que ça reste ici, comme vous tous pouvez voir, n'est-ce pas? Donc, le calendrier romain a un mois, deux mois, trois mois, quatre mois, cinq mois. Lorsqu'on veut faire la correspondance entre le mois des juifs et le mois des chrétiens, ça tombe toujours entre deux mois. Entre deux mois. Donc, le premier mois juif correspond toujours entre mars et avril. Donc, une partie du mois se trouve ici à l'intérieur, une autre partie se trouve ici à l'intérieur. Donc, il faut connaître le jour exact. Donc, souvent, le 14 des mois de Nissan tombe souvent entre les derniers jours de presque les derniers jours de mars. Selon une autre année, ça tombe peut-être le début de avril. Est-ce que c'est ici? C'est toujours entre mars et avril. Toujours entre mars et avril. Toujours entre mars et avril. Donc, par exemple, l'année passée, nous avons dit bonne année le 21 mars. Le 21 mars, c'était le premier jour de l'année. Alors, on s'est arrivé au milieu de l'assemblée, on a dit bonne année, mon frère. Bonne année, mon frère. Papa, d'accord. Donc tu as vu ce que j'ai tenté de l'expliquer là, n'est-ce pas? Voilà. Mais c'est quelque chose que vous n'avez pas besoin de casser la tête pour le savoir. Déjà, mettez en tête que entre mars et avril, vous devez célébrer la Pâque. Mais comme nous sommes ensemble, si mars et avril arrivent, je vais vous appeler pour vous dire que ça tombe tel jour exactement. Comme ça, vous vous préparez. D'accord? Donc, au début de l'année même d'abord. Le début de l'année, nous sommes en quel mois ici? Nous sommes en juillet. À partir de décembre, ou bien même, si je vais à Douala, je peux vous appeler pour vous dire qu'en tel jour de l'année prochaine, vous allez célébrer la Pâque. Comme ça, pendant qu'on se rend de célébrer là-bas, la soirée, là où vous serez en train de célébrer ici. Parce que vous comprenez, non? Vous ne serez plus jamais dans la confusion. C'est terminé. Alléluia. Est-ce que ça correspond? Ça ne correspond pas. C'est pour ça qu'il y a une femme dans la cité où j'habite. Quand les catholiques ont fait ça en avril ici, on avait fait pour nous depuis lundi. C'était lundi ou mardi. C'était entre lundi et mardi. Lundi et mardi en avril là. Donc voilà. Donc l'année ici, ce qu'ils ont fait le dimanche là. Une semaine plus tôt, la Pâque de la Bible tombait une semaine plus tôt. Donc on a fait pour nous, on a fini une semaine. Elle dit que bonne fête de la Pâque. Il dit quelle Pâque? Oui. C'est la Pâque d'aujourd'hui. Il dit que pour nous c'était l'autre semaine. Donc ils célébraient autre chose. D'accord? Donc on ne sera plus jamais dans la confusion. Conclusion, c'est le 14 du mois de Nissan. Le calendrier, c'est le calendrier de Dieu. Le premier mois, c'est le mois de Nissan. Et ce n'est qu'une fois par année. Parce que jusqu'à mort, une fois par année. D'accord? Les mois en une période, il y a une période vraiment que jusqu'à mort. Donc c'est la commémoration de sa mort. Oui, frère. Une autre question. Qu'est-ce qui nous montre que ce jus-ci, c'est le fruit du raisin? Parce que ici dehors, il y a plusieurs trucs de ce genre-là. Mm-hmm. Parfois, on a l'impression qu'on boit le fruit de goyave, alors que ce n'est pas la goyave. Bon, de toutes les façons. On croit qu'on boit la papaye. Frère, ouvrons. Donc, qu'est-ce qui nous prouve donc? Moi, je ne comprends. Uh-huh. Je ne saurais même pas que c'est le raisin. Ok, je suis dans. Le voilà devant moi. Ok, moi j'ai testé. Tu vas donc me montrer que c'est ça, c'est le jus de raisin. C'est ça réellement. Le jus de raisin. Mais maintenant, tu dois me croire maintenant sur parole. Moi j'ai testé, c'est le jus de raisin. Puisque tu n'as jamais goûté, moi j'ai goûté, j'ai su que c'est le jus du raisin. Donc moi, si tu peux m'avoir comme test d'abord. À moins que tu dis que je doute de toi. Hein? Parce que je vais dire ceci. Voilà. Je dis ceci, n'est-ce pas? Ici, il y a des choses. On ne peut pas dire, voici. Non, c'est pas comme ça. Dépose ici, frère. Dépose. On va y arriver. Okay. Je pas dit que tu ouvres, tu lui donnes, je m'en dis que tu ouvres ici. Je t'en ai dit ici. Si tu dis, il y a des normes déjà internationales. Quelqu'un peut fabriquer un produit qui est contrôlé et vendu partout dans le monde. Il dit que c'est la goyave qui est à l'intérieur, que c'est la mangue. Alors on va poursuivre cette personne. C'est pour ça qu'il y a le régime de commerce. On est d'accord là-dessus, n'est-ce pas? Donc quelqu'un peut dire que ça c'est le jus des fruits, des raisins, et que, alors qu'à l'intérieur se trouve la grenadine. Déjà, il dit par rapport au commerce mondial. C'est pour ça qu'il y a des trucs par rapport à les étiquettes là-dessus. On a incité, la norme de la qualité montre clairement que vous allez mettre les éléments même que vous avez utilisés pour que les gens savent. C'est la norme par rapport au contrôle commerce. Ça c'est pour le mondain. Mais le problème c'est que si tu doutes par rapport à la nature du jus de fruits, voyage en Israël. Tu parles, tu bois le jus de raisin. Oui. Ce n'est même pas compliqué. On vend les raisins ici au pays. Donc tu n'as qu'à manger les raisins et boire aussi. Simple. C'est voilà simple. Le raisin qu'on a mis à côté. Mange le raisin. Tu bois. Ici là. Mm-hmm. Ça se vend. On vend ça dans le pouce là-bas. À pouce. Oui. Dans le pouce dans le marché là-bas. On pousse ça comme ça. Tu connais même extraire le jus de raisin. Tu peux. Tu appuies. Oui. Le café, le Nescafé qu'on mange comme ça, qu'on a comprimé comme ça là. Si tu as le café, tu fais sécher toi-même. Si tu prépares le café, tu vas sentir le même goût comme c'est là. Oui. Donc, quand à Douala, on passe dans le pouce avec ça comme avec ça. Tu achètes un poignet, tu sucres, ou bien tu appuies. Tu appuies quand ça sort, bois. Tu vois, c'est la même chose. Tu cherches seulement le truc, il y a tout ça sur le terrain. Tu vois comment on fait le jus de raisin. Mm-hmm. Tu fais aussi ta part à partir des fruits. Oui, frère. Seulement que les fruits sont chers. Les fruits de raisin. C'est sur le fait qu'on a.